et le soir. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. L'Opéra Royal de Wallonie présente Turandot, le chef-d'œuvre inachevé de Puccini. Une mise en scène de José Coura pour une ouverture de saison grandiose à Liège. Du 23 septembre au 4 octobre. Info et tickets opéraliège.be. Avec la première, la 3 et la Fédération Wallonie-Bruxelles. En télé sur la Une. Mais à quoi tu joues là ? Au flic qui a peut-être fait une boulette il y a 8 ans. La belle Roxane de Lâche, ça reste innocente, c'est ça ? On ne fait pas de magouille chez nous, c'est clair. J'ai la preuve que le gros parti, c'est partie prenante dans le trafic. Comment vous avez découvert ça ? Vous avez vraiment envie de replonger ? Non, j'ai juste envie que la vérité éclate. Innocente. Deux épisodes inédits, mardi soir sur la Une. La première. Il est tout pile 9h. Et le journal vous est présenté par Sophie Brems. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Les ministres wallons ont bouclé leur budget. Le conclave s'est terminé hier soir. Rien n'a encore filtré, mais aucune nouvelle taxe ne devrait être annoncée. Réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ce soir à New York. Une réunion pour évoquer l'escalade de la violence à Alep, en Syrie. La ville subit une pluie de bombes depuis plusieurs jours. Et puis en sport, en football, cet après-midi, le Standard reçoit Eupen, le Standard qui doit se racheter après son élimination mercredi en Coupe de Belgique. Les calculettes ont donc chauffé hier. Les ministres wallons ont quasi bouclé leur budget cette nuit. Un budget sans nouvelle taxe. Il sera en tout cas présenté tout à l'heure, sur le coup de 11h, à l'Élysée à Namur. Yasmina Favaro, que sait-on pour l'instant ? Pas grand-chose. Effectivement, il n'y aura pas de nouvelle taxe pour les wallons. C'était une promesse de la majorité PS-CDH, une promesse tenue donc. Avant de nous livrer les détails à 11h, le gouvernement wallon travaille encore. Car si le budget est quasi bouclé, les dernières finitions sont en train d'être terminées dans les différents cabinets. Elles seront validées ce matin. Alors si rien ne filtre, on comprend tout de même entre les lignes qu'un budget à l'équilibre, ça ne devrait pas être pour tout de suite. Car s'il y avait déjà des contraintes sur le budget, la confirmation qu'il n'y a pas de nouvelle taxe, donc pas de nouvelles recettes, ça retarde encore un peu plus un retour à l'équilibre. Au départ, c'était prévu pour 2018. La Flandre a elle aussi bouclé son budget, c'était hier matin, et là on peut parler d'un budget à l'équilibre. Ah, c'est plutôt un bon bulletin pour le gouvernement flamand, un budget à l'équilibre, sans nouvelles taxes et avec 400 millions d'investissements. La fierté de l'OpenVLD, Bart Tommelijn, ministre flamand du budget. Il était déjà clair avant l'exercice budgétaire que des investissements allaient être faits dans des domaines différents comme l'enseignement, le bien-être et la recherche. Notons tout de même que ce budget ne prend pas en compte les frais de construction du contournement d'Anvers, un coût qui sera tout de même important. Yasmina Favaro avec nos confrères de la VRT. On l'entend, des budgets régionaux bouclés sans trop de mal. Alors que du côté fédéral, le trou, lui, s'agrandit. Le gouvernement devra trouver 4,2 milliards supplémentaires d'ici à la fin 2017, au lieu des 2,4 milliards annoncés. Est-ce grave, docteur ? Va-t-on devoir faire des économies ? Si oui, où ? Dans quel secteur ? Sophie Wilmès, ministre fédérale du budget, sera l'une des invitées de l'émission À votre avis. Toute l'équipe de Sacha Daoud vous attend dès 11h30 sur la Une Télé pour réagir et donner votre avis sur le budget, mais aussi d'autres sujets de l'émission, comme le street art qui a fait parler de lui cette semaine avec l'apparition de fresques un peu osées à Bruxelles. Dans l'actualité de ce dimanche, il y a aussi cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la table, l'escalade de la violence à Alep, en Syrie. Les États-Unis et l'Union européenne mettent la pression sur Moscou. Les grandes puissances veulent en effet que la Russie sauve ce qu'il reste de la trêve, Anne-Sophie Brunong. Au moins 45 civils ont encore perdu la vie hier à Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, victime d'une nouvelle pluie de bombes larguées par le régime syrien et les avions russes. Pour le cinquième jour consécutif, les quartiers rebelles de la ville subissent des bombardements incessants. Alep est un enjeu majeur dans le conflit. Le régime de Bachar al-Assad contrôle la partie ouest et assiège la partie est tenue par les insurgés. Aidés par ses alliés russes, l'Iran et le Hezbollah libanais Libanais. Il entend reprendre le contrôle total de la deuxième ville du pays. Sur place, les habitants sont privés de tout, de vivres, d'eau, de matériel médical. Le dernier cessez-le-feu dans les combats avait été initié par Washington et Moscou, qui soutiennent des camps opposés. Mais la trêve a volé en éclats une petite semaine après son entrée en vigueur. Les États-Unis, l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères de quatre pays, France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne, tiennent la Russie pour responsable. Ils ont signé un texte commun, rédigé en termes très fermes. Ils lancent un avertissement à Moscou et parlent de, je cite, « son incapacité et son refus persistant de tenir ses engagements ». La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à 17h cet après-midi. Aux États-Unis, toujours, la police a mis la main sur le suspect de la fusillade qui a fait 5 morts hier au nord de Seattle. L'homme avait ouvert le feu dans un centre commercial, tuant 4 femmes et 1 homme. Il a donc été arrêté après une cavale de 20 heures. Le motif du tueur n'est pas connu, mais selon le FBI, aucun élément ne lie l'affaire au terrorisme. Les Basques sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler leur parlement autonome. 5 ans après l'annonce du cessez-le-feu par l'ETA, l'organisation séparatiste basque, le climat a complètement changé dans cette région d'Espagne. Les années sanglantes où les terroristes basques ont tué plus de 800 personnes sont du passé. La société a donc mis de côté la peur. Elle apprend désormais à vivre ensemble. À Saint-Sébastien, le reportage d'Henri de la Guéry. À l'image du Pays Basque, Saint-Sébastien est une ville apaisée. Les graffitis à la gloire de l'ETA ont disparu. Il n'y a plus d'agents de sécurité à chaque coin de rue. Et peu à peu, ses habitants se réconcilient après 40 ans de violence et d'affrontements. Capitale européenne de la culture, la ville a programmé des centaines d'événements autour de la paix et du vivre ensemble. Pour son porte-parole, Fernando Alvarez, le climat a radicalement changé. On a le sentiment qu'il y a moins de barrières invisibles. Je crois que les gens sont fatigués d'être fâchés. Le moment est venu de ne plus être fâché, de tourner la page. Il ne s'agit pas d'oublier, simplement d'avoir une autre attitude. Avec sa plateforme citoyenne, Locari, Paul Rios a été l'un des artisans de la réconciliation. Il a organisé des rencontres inédites entre des terroristes repentis et des victimes. Et puis, il a créé des espaces de dialogue entre des personnes que tout semblait séparer. Un jour, une victime de l'ETA racontait son expérience. Dans le public, il y avait la sœur d'une personne décédée à la suite d'une torture policière. Cette dernière s'est rapprochée de la victime de l'ETA, l'a embrassée et lui a dit « Mes douleurs étaient telles que j'étais insensible à ta propre douleur ». Mais si le Pays Basque a tourné la page de la violence, toutes les blessures ne sont pas encore refermées. L'ETA n'a pas rendu ses armes et ne s'est pas encore dissoute, tandis que Madrid refuse toujours le rapprochement des prisonniers vers le Pays Basque. Cet infoservice, si vous devez prendre le train ce matin entre Arscot et Louvain, plus aucun train ne circule suite à un accident. Conséquence, la circulation entre Anvers et Louvain est également perturbée. Les trains vont en fait jusqu'à Arscot. Ensuite, les passagers doivent prendre un bus pour rejoindre Louvain, précise la SNCB. Elle sera peut-être sur votre table ce midi. L'eau minérale Valvert à 25 ans, une eau qui prend sa source au cœur de la forêt gaumaise, on ne le sait pas toujours. C'est en 1991 que Nestlé a signé un bail emphytéotique avec la commune d'Étal, située au sud du Luxembourg, pour aller puiser cette eau naturelle. Et bien aujourd'hui, l'usine Valvert d'Étal produit 132 millions de bouteilles par an de l'eau minérale, mais aussi de l'eau de source. Si l'usine a connu une restructuration en 2009, les perspectives d'avenir sont plutôt positives. Anne Lemaire revient sur cette histoire. Fin des années 80, alors que le groupe Nestlé cherchait des sources à exploiter, la commune d'Étal, elle, savait qu'elle disposait d'une eau de qualité. Florent Maire, directeur de l'usine Valvert. La forêt d'Étal est connue historiquement pour la qualité de ses eaux. Ça date du temps romain. Étal est un point de passage de la ligne romaine Trèves à Reims. Et les Romains s'étaient installés sur le site de Montauban. D'ailleurs, il y a des vestiges. Et l'idée a été reprise fin des années 80. La commune d'Étal a signé une convention avec Nestlé, mais reste propriétaire du site. C'est un bail emphytéotique donc qui nous réunit pour 50 années entières avec la commune d'Étal hein, qui est propriétaire de ces 3500 hectares dans lesquels de nombreuses sources et émergences existent. En 2009, face à une baisse de la demande en eau minérale, l'entreprise s'était séparée d'une trentaine de travailleurs. Aujourd'hui, Valvert compte 62 employés permanents, plus une quinzaine de saisonniers. L'eau minérale est vendue en Belgique et en France. L'eau de source est-elle distribuée en France et au Benelux? Et l'avenir semble serein puisque l'entreprise a conquis un nouveau marché. On a effectivement un projet pour le marché britannique. Donc c'est un marché qui sera sur 2 années et qui va pratiquement doubler la capacité de production de l'usine, surtout en 2018, qui débarrait en 2017. Et il faudra alors engager une trentaine de personnes. En sport, and the winner is Charleroi, Pontacel dans le Hainaut, Amois dans le Namurois. Ces trois communes ont en effet été élues hier communes les plus sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça se passait à Ondaine, la 20e édition du Trophée des communes sportives. Et oui, ça existe. 64 communes avaient composé des équipes de 8 sports. Une manière donc de stimuler son administration et se nourrir de la culture d'entreprise. En tennis, pas de finale par contre pour David Goffin au tournoi de Metz. Le Liégeois s'est incliné hier en 2-7 face au Français Lucas Pouille, 7-6, 6-1. En football, Charleroi remonte à la 3e place de Division 1. Les Zèbres ont battu sur le fil Ostende 2-1. Zulte Waregem est toujours en tête après son succès 2-3 à Malines. La Gantoise a battu Saint-Tron 2-1. Partage un but partout entre Wasland et Lokeren. Et puis cet après-midi, suite du programme, le Standard reçoit Eupen. Le Standard qui doit se racheter après son élimination mercredi en coupe à Gael, un club amateur. Écoutez l'entraîneur Alexander Jankovic. Il n'y a pas de petites équipes, ça c'est sûr et certain. Ça on l'a bien vu. Et aussi une chose qui est très importante, c'est que quand nous on est à notre niveau, au niveau de combativité, discipline, surtout rigueur, et générosité, on peut être très performant, ça tombe pas du ciel. En ce qui concerne la mentalité et l'effort, on n'est jamais à l'abri. Et ça, c'est quelque chose qui est, après le match de coupe, plus que clair. Le match contre Eupen, c'est très très important pour nous. Ça nous permet de garder la bonne dynamique dans le championnat et de bien préparer le prochain match qui arrive très vite aussi contre l'Ajax. Alexander Jankovic au micro de Pierre Capard. Et puis à 20h, Anderlecht recevra le dernier Westerlo. La Grand Place de Bruxelles, Noir de Monte, hier soir, près de 6000 personnes se sont rassemblées pour assister au concert 100% belge à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est mardi, mais Bruxelles a pris un peu d'avance. Le public a pu applaudir Puggy, Alice on the Roof et Soul, des artistes confirmés, mais qui avaient mis chacun aussi en avant un autre artiste moins connu et pour lequel ils ont eu un véritable coup de cœur. Une manière donc de promouvoir les artistes belges. Jérémy Bocquet et Geoffroy Fabré étaient présents hier soir. Cette soirée 100% belge s'est achevée sur un set électro du DJ à tête de singe Kid Noise. Avant lui, d'autres artistes du cru étaient montés sur scène. Dans le public, certains les connaissaient bien, d'autres par contre étaient là par curiosité. On ne connaît pas du tout, en fait, on est française et on vient de s'installer pour nos études, donc on débarque, on ne connaît personne du tout. On est venu voir un peu tout, on n'a pas de préférence, donc justement on aura cette curiosité-là de voir un peu quels sont les artistes qui ressortent du lot. Principalement Puggy, puis après évidemment il y a Alice on the Roof. Après, on va découvrir les autres aussi, je pense. Oui. Découvrir d'autres groupes, c'était aussi l'objectif de la soirée. Soul, par exemple, a permis au chanteur Temetane de se produire sur scène. Moi, je vois ça comme une super opportunité. C'est l'occasion aussi de rencontrer les gens, parce que je ne connaissais pas Baptiste, je ne connaissais pas Alice non plus. Donc, c'est l'occasion de se rencontrer, quoi. Moi, je trouve ça vraiment gai. Heureusement qu'il y a des événements comme ça où on peut passer un peu plus de temps. J'espère qu'on fera la fête tout à l'heure ensemble. Puis en plus, c'est l'anniversaire de Soul ce soir. Qu'est-ce que tu veux de plus pour un anif? Tu es à la Grand Place et après tu dis bon, on ira boire des coups dans le coin, quoi. Voilà. Ouais. Six mille personnes, c'était en effet un bel anniversaire pour Saul. Voilà, c'est la fin de ce journal. Passez un très bon dimanche. Dans un instant, Adrien Jovenot nous emmène au pays du hamburger, des grandes étendues et du baseball, les États-Unis. Toute l'info est sur rtbf.be. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour à toutes et à tous. If you can dream it, you can tôt et si tu es capable d'en rêver, tu dois pouvoir le faire. Nous partons ce matin sur les traces de jeunes Belges qui ont réalisé leurs rêves américains ou européens. Les States tout d'abord, avec Ariane Van Dievoet et Jérémy Levan à New York, la ville qui ne dort jamais comme eux, hein, que je tire ce matin du lit aux aurores. Bonjour, bonjour Ariane, bonjour Jérémy. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Et félicitations, parce que je crois que vous êtes mariés le week-end dernier, c'est exact ? Oui, voilà. Tout à fait. Et puis vous êtes tous les deux à la tête de Belle Success Stories. Ariane, vous avez fondé votre marque de design Avandi, ce sont des bijoux, du mobilier, des objets étonnants. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a à peu près 3 ans maintenant que j'ai créé cette société aux États-Unis. On a mis quelques objets, quelques photos de vos créations en ligne sur lapremière.be. Et vous, Jérémy, entrepreneur technologique, vous avez créé l'application Sunrise, revendue il y a quelques années à un certain Bill Gates, je suis bien renseigné ? Oui, tout à fait, voilà. Microsoft. Félicitations tous les deux. Je vous laisse prendre un grand café, une bonne douche froide, parce que là, c'est de la pleine nuit. On sent encore la voix un peu engourdie après un samedi de fête, peut-être, là-bas. On va raconter votre parcours tout au long de cette émission, réalisée en duplex avec une jeune femme qui a fait le chemin inverse. Bonjour, Sandrine Dixon. Bonjour, Adrien. Et bonjour, Jérémy et Ariane. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. D'origine américaine, vous vivez en Wallonie, mais vous travaillez pour une agence des Nations Unies spécialisée dans le développement durable de l'énergie. Donc vous faites, j'imagine, de fréquents allers-retours pour New York, le siège des Nations Unies ? Absolument, et en fait j'y reviens. Donc voilà, j'y étais la semaine dernière. Alors vous êtes croisés peut-être dans le ciel parce que peut-être. Vous étiez en Belgique pour vous marier, Jérémy, Ariane ? Tout à fait, exactement. Alors pour chroniquer cette émission, celle qui suivra pour nous la course à la Maison Blanche, Good morning Catherine. Hello Adrian. Oh, je vois que vous êtes parfaitement entraînée pour ce grand voyage qui va vous emmener pour plusieurs semaines outre-Atlantique. Voilà, pour 3 semaines à la découverte des États-Unis et de sa population, surtout avant une échéance de taille dans le pays le 8 novembre prochain, l'élection présidentielle américaine. Et ce matin, c'est le warm-up sur la première. Tout à fait. Les Belges du bout du monde sur la première. On va commencer par résumer le parcours de nos Belges du bout de New York avec la carte postale sonore de Loïc Péchard. C'est votre voiture là ? Ouais, ouais. La Jaguar ? Ouais, ouais. Et vous gagnez combien ? J'en sais rien, 72 000 dollars le mois dernier. Si vous me montrez une fiche de paie avec 72 000 dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour vous. Et je démissionne. Ah, le rêve américain. C'est l'idée que tout le monde peut avoir une nouvelle vie plus aisée aux États-Unis avec son travail, son courage et sa détermination. Gagne ton ticket pour le rêve américain. J'ai prouvé à tout le monde que je suis pas un loser. 22 millions en 3 heures. Chacun a des possibilités d'atteindre le sommet et présente les mêmes chances de réussite dans le travail. Avec ce manuel, je vais apprendre à chacun d'entre vous à devenir le meilleur. Nous sommes la meilleure société au monde ! Je devenais une légende. 3, 2, 1. L'esprit de compétition se traduit par un perfectionnisme soutenu. Liftoff, we have a liftoff. Dans ce rêve, il y a plusieurs valeurs, celles liées à la rentabilité, l'efficacité, le travail effréné, la prospérité, la créativité, la liberté, mais aussi des valeurs morales comme le bien, le mal, l'importance de la famille et la croyance en Dieu. J'adore 3 choses. J'adore mon pays, j'adore Jésus et j'adore rendre les gens riches. Allô ? Allô, les Américains, j'ai des problèmes avec mon voisin. À l'époque des Indiens d'Amérique ou aujourd'hui, les nouveaux arrivants doivent toujours se battre pour réaliser ce rêve, car les places sont chères. Qu'est-ce que ce sera merveilleux en Amérique quand on n'aura plus aucun souci à se faire. De nombreux Belges s'y sont installés. C'est le cas d'Ariane Van Dievoet et de Jérémy Levan. Elle a créé sa boîte de design, Avandi. Des millions de filles, tu rêves pour être à votre place. et lui l'application Sunrise qu'ils vont à une grosse entreprise qu'on ne citera pas. It's up to you, New York, New York. Ils font carton plein à New York. Yes, we can. À chapeau, on y est hein, avec cette carte postale de Loïc Péchard, Paul Michel. Vous êtes reconnu dans ce diable qui s'habille en Prada, dans cette petite allusion au film ? Bah oui, pour tout ce qui est de la détermination et de, voilà, de la quantité de travail requise. C'est vrai que voilà, moi, je suis dans un tout autre environnement et tout autre quartier aussi, puisque je travaille dans le quartier de Redouk, un quartier un peu plus cool, mais c'est là où... Justement, pas mal de jeunes designers essayent de percer et s'installent pour créer, quoi. Ouais, il paraît que c'est le Manhattan du 21e siècle, que ça déborde d'énergie et de créativité. Puis il y avait un petit clin d'œil de Jérémy aussi qui a revendu son application. Les chiffres cités sont exacts, Jérémy ? Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, moi, j'adore le contraste entre votre voix, mais on sent quelqu'un d'humble, vraiment, à la limite timide. Et vous êtes multimillionnaire, Jérémy, non ? Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, je pense que le plus important dans tout ça, c'est de rester soi-même, non ? Ouais, ouais, ben joli. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, notre côté belge qui ressort, du coup. Oui, oui. Ça vous marque aussi, Sandrine Dixon, vous qui êtes d'origine américaine, qui vivez en Belgique, c'est que le Belge, il a du talent, mais il est humble, quoi. Il le dit pas trop fort. Je trouve qu'un peu d'humilité est toujours une très bonne chose. Oui, donc c'est bien. Absolument. Bien. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Alors, même si l'American Dream a du plomb dans l'aile et qu'il risque même de tourner au cauchemar, on en parlera tout à l'heure, on va continuer à rêver un peu et raconter vos success stories. La vôtre d'abord, Ariane. Vous avez grandi chez nous. À 18 ans déjà, vous preniez le large. D'abord, vous êtes partie de l'autre côté de la Manche. Oui, voilà, c'est ça. À 18 ans, bah, en fait, je voulais... comme beaucoup de jeunes, faire une sorte d'année sabbatique ou partir un peu apprendre l'anglais et peut-être commencer à me former. C'est vrai que moi, je venais de l'option latin-grec à Bruxelles, donc j'avais pas vraiment, même si j'avais comme déjà la fibre artistique, j'étais pas sûre d'avoir les qualités requises et tout ça, et je voulais un peu tester tout ça pendant un an. Ouais. Lorsque j'ai été reprise à la Chelsea College of Art and Design, ben, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Voilà, après, je suis repartie à Rhode Island, qui est le plus petit état des États-Unis, tout près de Boston, du Massachusetts, pour vraiment entamer cette aventure américaine. Ouais, et puis toucher un petit peu aux matériaux, le bois, la bijouterie. Vous travaillez de vos mains, vous travaillez de votre tête, vous faites preuve de culot, d'audace. Vous avez fondé votre boîte en 2014. Je travaille avec une entreprise en Californie, une autre dans le Minnesota. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus beaucoup de collaboration avec pas mal de gens en fait, et beaucoup d'hommes en fait, donc vous le disiez, oui, une femme chef d'entreprise, surtout dans le monde de la fabrication, voilà, il faut un peu se faire respecter. Mais, ouais, ouais. Très bien, très bien, ça donne le sourire à Sandrine Dixon, vous êtes admirative là. Hein, vous... Je suis admirative, et puis d'un autre côté, je dois dire que moi aussi mon parcours a été souvent plutôt avec des hommes qu'avec des femmes, donc je connais bien ce dilemme. Travaillant dans le domaine de l'énergie avec beaucoup d'ingénieurs, j'ai commencé ma carrière étant une des seules femmes, en fait. Ouais, oui. Puis vous partagez un point commun avec Jérémy et Ariane, c'est la Californie. C'est là que vous avez grandi, Palo Alto ? Absolument. Où a commencé, en fait, tout ce boom technologique ? Oui, oui, oui. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, avec Jérémy. Voici maintenant un des 10 morceaux les plus téléchargés cette année aux États-Unis. Leon Bridges, c'est un auteur-compositeur originaire du Texas et qui donne dans le gospel. Écoutez, c'est superbe. Tender sweet loving, you're my one and only woman. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be your ride. C'était Leon Bridges sur la première avec Coming Home, Home Sweet Home. Votre maison, Ariane Van Diewoud, ben c'est devenu New York maintenant. Ben oui, voilà. C'est vrai que en rentrant à New York récemment, vu qu'on vient de passer un peu de temps en Belgique, on se rend compte que oui, c'est chez nous. À la fois notre petit nid et à la fois on s'est fait pas mal d'amis. Puis voilà, tout ce qui est boulot et tout se trouve ici. Donc c'est vrai que quand on part en Belgique, c'est souvent un peu les vacances. Et puis, là, on rentre à la maison. Et c'est révélateur, Sandrine Dixon, de la mentalité des immigrants aux États-Unis. Ils veulent s'intégrer, ils sont fiers de devenir américains. Oui, moi, je crois que mes parents, quand on a immigré aux États-Unis, ils voulaient tout faire pour s'intégrer. Mais d'un autre côté, je trouve que les Européens en particulier aiment beaucoup quand même garder ce petit grain européen et retourner souvent chez eux. Et donc, je trouve que pour finir, on se sent toujours un peu européen quand même aux États-Unis. D'ailleurs, Avandi, c'est aussi made in Belgium, hein, on va le dire. Je pense que dans mes designs, ça se sent que je suis belge, européenne. Il y a un peu le petit côté Europe du Nord qui ressort, je pense. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Ariane Van Diewoud, belge aux États-Unis depuis 8 ans. En duplex avec Sandrine Dixon, américaine à Bruxelles depuis 30 ans. Ce sont nos Belges du bout du monde ce matin sur la première. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Catherine Tonnerreau, les yeux du monde entier sont rivés sur les États-Unis en cette année d'élection présidentielle. Le nom du 45e président ou présidente du pays de l'oncle Sam sera connu dans un mois et demi environ, le 8 novembre prochain. Un scrutin inédit à plus d'un titre, on va en parler. Ce sont probablement les élections les plus attentivement suivies à travers le monde, car les États-Unis, ils donnent le la hein, sur la planète, superpuissance politique, économique, militaire et culturelle. Un géant qui s'étend sur plus de 9 9 millions de kilomètres carrés, 300 fois la Belgique, pour 50 États qui pourraient chacun être un pays à part entière. Avec 320 millions d'habitants, les États-Unis sont le troisième pays le plus peuplé et probablement métissé au monde, vu la grande tradition d'immigration qui a façonné son histoire. Un pays devenu indépendant le 4 juillet 1776. Terre d'Indiens conquise par les Européens, les États-Unis deviennent la première nation décolonisée du monde. À cette époque, on célébrait cette année les 240 ans de la déclaration d'indépendance de la couronne britannique. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire. Depuis, dans l'ordre, la conquête de l'Ouest, la guerre de sécession, le développement industriel lié aux guerres mondiales, la Grande Dépression, la guerre froide. Les Américains ont de tout temps pris part aux grands conflits mondiaux. On citera aussi la guerre de Corée, du Vietnam, du Golfe évidemment. Et puis le 11 septembre 2001, les États-Unis sont attaqués sur leur territoire pour la première fois. Ils se lancent cette fois dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak et les États-Unis qui mènent aussi la coalition internationale en Syrie depuis 2014. La superpuissance militaire qui est aussi la première économie mondiale. Nous en reparlerons dans une poignée de minutes. Mais un mot d'abord sur la situation en septembre 2016 à New York. Ariane Van Dievoet, vous vous sentez en sécurité ? Je viens d'avoir un petit souci à Chelsea, qui était le quartier où on habitait avant l'explosion. Mais c'est vrai que, étonnamment, je pense que la ville est tellement grande, il s'y passe tellement de choses que, voilà, on se dit qu'il faut continuer à vivre normalement et il faut. Oui, on n'a pas trop peur, je pense. Ce qui nous fait peut-être un peu plus peur, c'est justement la situation politique, quoi. Ce qui va se passer en novembre prochain. Vous êtes porte-parole pour les démocrates américains à l'étranger, Sandrine Dixon. Oui, absolument. Il faut noter aussi que quand on parle en fait des électeurs qui peuvent voter, il faut compter tous les électeurs à l'extérieur des États-Unis aussi, qui comptent pour le vote. Et pour nous, c'est absolument essentiel qu'on les amène à voter. Et c'est vraiment notre grande campagne pour l'instant, que tout le monde place un vote. Parce que comme Ariane l'a très bien dit, on est fort inquiet de ce qui se passe au niveau de notre compatriote Donald Trump. Ne vous trompez pas en votant alors, voilà. Les Américains de Belgique. Il y a beaucoup d'Américains à l'étranger qui vont pouvoir participer à ce vote, vous avez une idée du chiffre ? 6,7 millions d'Américains qui sont à l'étranger qui peuvent placer un vote. Catherine Tonero, vous êtes en plein préparatif pour cette course à la Maison Blanche. Comment ça va se passer ? Eh bien, on part dans quelques jours, le 30 septembre, pour 3 semaines à sillonner le pays. On est 3, avec 3 routes donc de dessinées. Moi, je prendrai la route du Nord, je commence mon périple à Seattle, Portland, Salt Lake City, puis un bond jusque Minneapolis, Chicago, parce que le deuxième prendra la route est et le troisième la route sud. On se retrouve à la fin de ces 3 semaines à Washington. D'accord, vous ne serez pas très loin de chez Ariane et Jérémy. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, New York n'est pas sur mon parcours à moi. Washington, mais, c'est pas loin. Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, je donnerai votre contact au candidat qui empruntera la route est. On va revenir à votre parcours. Est-ce que ça a été plus facile de réaliser votre rêve, finalement, de créer votre entreprise aux États-Unis ? Est-ce que pour un jeune entrepreneur, une jeune femme comme vous, il y a peut-être plus d'incitants, de facilitateurs. Oui, je pense que c'est plus simple aux États-Unis. Ça m'a pas, moi, ça m'a pas paru insurmontable. Et je pense que pour tout ce qui est justement l'embauche et vraiment la facilité de travailler avec des acteurs différents, c'est aussi plus simple qu'en Belgique. Je pense que voilà, il y a du pour et du contre dans les deux systèmes, mais c'est vrai que ça pousse, je pense, de ce côté-ci, ça pousse vraiment à l'entrepreneuriat et au fait de prendre des risques. On voit pas mal de gens autour de nous en fait qui créent des startups, qui se lancent et qui voilà, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas, mais il y a un peu ce côté on essaye et voilà, si ça ne marche pas, ben on recommencera autre chose. Ou il n'y a pas tellement de stigmatisation, je trouve. Dans le cas où ça ne marche pas. Ouais. C'est Franklin Roosevelt qui disait, je crois, faites quelque chose et si ça ne réussit pas, essayez autre chose. Et finalement, ça finit par passer, à force d'y croire et d'obstination. On va écouter un extrait de la vidéo où vous présentez votre travail. To me, being a designer today means it's all about the relationship to humans and to the body and how people are eventually going to use my designs. My name is Ariane Van Dievoet and I'm a designer. I'm the founder of Avandi, a studio where I design lighting, furniture, jewelry, and spaces. Ariane Van Dievoet, créatrice d'Avandi aux États-Unis. Elle travaille à Brooklyn. C'est un peu le Manhattan nouveau, un quartier hyper branché, peut-être le plus branché des 5 boroughs de New York, Ariane. Oui, c'est ça, je pense. C'est vrai que pendant un moment, on disait que c'était up and coming. Là, je pense que ça y est carrément, quoi. Je pense que Brooklyn, niveau créativité, il s'y passe énormément de choses, que ce soit en art, en design, enfin tout ce qui est création, en fait. Donc, c'est assez excitant, en fait, de vivre ici parce qu'on rencontre plein d'autres gens qui entreprennent ou qui travaillent pour d'autres personnes, mais qui vraiment sont passionnés par ce qu'ils font, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un boost. Alors, j'ai vu un extrait de votre catalogue sur Internet. Il y a des choses vraiment étonnantes qu'on peut fixer sans clou ni vis. Vous pouvez nous présenter un petit peu vos productions en quelques mots. Ariane, qu'est-ce que vous fabriquez? Je voulais créer une petite ligne de mobilier pour les gens qui voudraient commencer à se dire « Tiens, mais je vais commencer à investir, à acheter des pièces que je gardais sur le long terme. » Et donc, c'est pour ça, par exemple, j'ai un set de petites tables basses modulables qui sont montables à la main, en fait. Il faut, c'est juste trois petites vis, mais on n'a pas besoin d'outils pour les assembler. Et donc, voilà, l'idée, c'est on déménage, hop, on les démonte, on les prend avec nous. Et comme c'est des triangles, on peut, quand on en a plusieurs, on peut en créer une plus grande table. Donc, c'est toujours cette idée de s'adapter à un nouvel espace, de créer des choses nouvelles et de pas trop tomber dans cette culture de jetable, voilà, de jetable, ouais, ouais. Avec un mode d'emploi en plus en suédois. Et il faut 3 jours pour le monter. Une fois qu'il est démonté, on ne sait plus le remonter. C'est ça le problème. Exactement. Aussi. En tout cas, on vous félicite pour ce bourdonnement créatif, pour ces créations complètement originales. Ariane Van Dievoet, bonne continuation. Dans un instant, Ariane, on va parler avec votre mari, Jérémy Levan. Il ne s'est pas rendormi, Jérémy? Non, il est là. D'accord. Et bien, on le retrouve après une page de pub. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure à 17h30. Et Dieu dans tout ça. Avec Pascal Claude. Il veut enseigner un islam humanisé. Il est professeur de religion islamique. C'est Hicham Abdelgawad, notre invité ce dimanche. Il évoquera sa foi, ses remises en question et les interrogations des jeunes à l'école. Et Dieu dans tout ça. Le dimanche de 17h30 à 18h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Maman, depuis son emménagement en maison de repos, beaucoup de choses ont changé. Toujours attendre. C'est vrai qu'on la voit trop peu. Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, maman, on devait aller prendre un café ensemble. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Oh, je suis désolée, ma chérie. Ça m'a complètement échappé. J'étais fort occupée. Le bridge s'est prolongé. Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonéa est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0800 93 430 ou sur harmonéa.be. Harmonéa, le bonheur à tout âge. La première, la 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films touchants, forts et audacieux. Du 30 septembre au 6 octobre, faites-le plein d'émotions au FIF. Info, fif.be. Avec TV5, l'avenir, le soir et la loterie nationale. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Comme tout le monde, vous savez que Spa-Francorchamps, c'est le plus beau des circuits. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un endroit magique pour organiser un séminaire, un banquet de fin d'année, un lancement de produits ou une fête familiale. Spa-Francorchamps, une multitude de solutions pour l'organisation de votre événement. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. La 2... En télé. Vitamine, c'est votre nouveau rendez-vous bien-être sur la 2. Le principe, vous nous posez des questions via les réseaux sociaux et nous tentons d'y répondre. Je vais même me mettre au défi en testant les solutions proposées par les spécialistes. Vitamine, un concentré d'astuces bien-être, c'est du lundi au vendredi sur la 2. 9h-10h, les Belges du bout du monde sur la première, avec Adrien Jouvenot. Merci de bruncher avec les Belges du bout du monde ce matin. Nous sommes aux États-Unis avec Ariane Van Dievoet, hein, que vous avez entendu, créatrice de mode et de design. Et puis bientôt Jérémy Levan, son mari, concepteur de l'application Sunrise et directeur design chez Microsoft. Ce sont deux jeunes qui pourraient bien décrocher un des prochains trophées des Belges du bout du monde. Et alors si vous connaissez d'autres Belges particulièrement créatifs, méritants, généreux, enthousiastes, faites-le nous savoir. Toutes les infos pour nous contacter et pour s'inscrire sont en ligne sur rtbf.be/trophée des Belges. Cocorico, il y a des talents chez nous, au bout du monde, mais le Belge doit le faire savoir. On en reparle évidemment avant la fin de cette émission. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit, disait Oscar Wilde lors de son séjour à New York en 1882. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York. New York où vit depuis 5 ans Jérémy Levan après un crochet par la VUB, Jérémy, par UCL et par San Francisco. Je crois que c'est là que vous vous êtes formé. Après avoir étudié la publicité et le graphisme, d'ailleurs je ne savais pas que c'était des études en fait à la base, parce que j'avais commencé le marketing à Bruxelles. Je me suis dirigé vers les technologies un peu plus pointues et j'ai un peu atterri à San Francisco par hasard en fait. Donc avant, on va dire tout ce qu'on entend aujourd'hui avec les Apple, les Google de ce monde. Donc voilà, je me suis retrouvé un peu au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ouais, juste avant la vague, quoi. Donc c'était bien, ça. Vous avez pu en profiter et surfer dessus. Bravo. Je lis dans Le Soir, Jérémy Levan, 7 ans aux États-Unis et multimillionnaire. Microsoft aurait déboursé plus de 100 millions de dollars pour acheter votre application Sunrise. Est-ce qu'il faut croire ce qu'on dit dans les journaux, Jérémy ? Avec des pincettes, mais oui, tout à fait, c'est exactement ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous êtes tombé sous le charme de la Silicon Valley, puis maintenant vous êtes sur l'autre côte, hein, la côte est des États-Unis. On va continuer à présenter cette première économie de la planète, Catherine Tonero. Bah oui, près de 18 milliards de dollars, c'est le plus gros PIB du monde. C'est pas le salaire de Jérémy Levan, non, c'est le PIB américain, on précise. Voilà, en 2015 du moins, une économie qui tire parti d'un territoire aussi immense que ses ressources minières, agricoles. De nombreuses industries de pointe, de multinationales sont américaines. La population active travaille surtout dans les services. Une main-d'œuvre est parmi les plus productives au monde. Les Américains sont des travailleurs, ils sont surtout des consommateurs, garants de la croissance du pays. Les États-Unis qui sont aussi les plus grands importateurs de biens. La machine, on le sait, s'est grippée en 2008 avec la crise des subprimes. Des millions d'emplois sont détruits. Quelques années et un plan de relance plus tard, le pays a sorti la tête de l'eau. La baisse du chômage est d'ailleurs présentée comme un des grands acquis de l'administration Obama en fin de mandat. Avant d'en venir au duel entre Hillary Clinton et Donald Trump, un petit détour justement par le bilan des années Obama. Oui, aux commandes du pays depuis novembre 2008. Et pour quelques semaines encore, donc, Barack Obama peut se targuer d'avoir fait aboutir sa réforme santé pour une couverture universelle ou presque. C'est l'Obamacare en 2010. Autre temps fort de sa présidence, la capture de Ben Laden en 2011 et le retrait d'Irak. Plus récemment, l'accord historique sur le nucléaire iranien et le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Sa politique extérieure au Proche-Orient et en Syrie surtout sont plus critiquées. Barack Obama avait aussi promis de fermer la prison de Guantanamo, processus actuellement dans l'impasse. Un contrôle plus strict des armes à feu aussi, un cheval de bataille inachevé dans un pays où 30 000 personnes sont tuées par balle chaque année. On lui reproche enfin de ne pas avoir réussi à réduire réellement les inégalités sociales, toujours très marquées aux États-Unis où le rêve américain a tourné court pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est vrai. Ce rêve a viré au cauchemar. Hein. L'assurance maladie, la sécurité sociale, c'est une des grosses différences entre nos deux pays, Sandrine Dixon. Oui, ça je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très perturbant en fait. Mais je crois qu'au moins pendant les 8 ans qu'Obama a été président, chef d'État, il a tout essayé pour essayer d'équilibrer l'économie. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec Obamacare, ça a quand même été accepté. C'est la première fois qu'on a une assurance globale pour la plupart des Américains, parce qu'il faut se dire qu'il y a la moitié des Américains qui n'avaient absolument pas d'assurance au niveau médical. Donc, on voit quand même une évolution. Je crois que le plus gros problème aux États-Unis, et c'est quelque chose où on n'en parle pas assez, c'est le fait qu'en fait, le Congrès a quand même le droit de vote sur tellement de choses que c'est très difficile quand on est président et qu'on essaye d'être ouvert d'esprit et mettre en place en fait tous ces différents programmes qui essayent de protéger le peuple américain, que souvent en fait malheureusement ça ne passe pas au niveau du Congrès. Donc c'est pas toujours, on dit souvent que c'est la faute du président, non, je dirais souvent que malheureusement c'est la faute en fait du système américain qui ne fonctionne plus très bien. Sandrine Dixon qui a un pied sur les deux continents puisqu'elle est active chez nous hein, dans une agence des Nations Unies pour le développement durable de l'énergie, puis elle a grandi là-bas aux États-Unis. Lui, il a fait le chemin inverse, il a grandi chez nous, il a fait fortune aux États-Unis. Ça a été galère au départ, vous êtes parti pour faire des études, vous ne saviez pas que vous alliez vous installer sur place en fait, Jérémy Levine. Tout à fait. En fait, ça n'a jamais vraiment été un rêve américain, pour être honnête. je devais à la base partir pour 2 ans. Donc, c'était un bref séjour aux États-Unis, le temps de s'enrichir un maximum au niveau compétences et puis revenir en Belgique pour justement apporter toutes ces compétences américaines en Belgique. Le destin en a voulu autrement. Et comme vous disiez, Adrien, beaucoup de galères au début. Je pense qu'on le cite pas assez souvent pour les expatriés. C'est pas évident d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Bon, la langue est encore relativement facile à acquérir, mais je pense aussi surtout l'intégration sociale et n'était pas forcément toujours évidente. Quitter son pays demande déjà les habitudes, etc. Ça demande déjà un certain effort. Et puis, le fait de s'intégrer, de vraiment bien se mettre dans le moule ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Surtout au début, en fait. Ouais, et pas avoir peur de l'échec. Vous vous êtes planté plein de fois. Vous avez travaillé comme un fou. Oui, je pense. Oui, voilà, exactement. C'est vrai que ce point de vue-là aussi, on le cite malheureusement pas assez souvent, mais le fait de prendre des risques et aussi toujours garder la tête haute et vouloir continuer. Et puis aussi, voilà, c'est aussi faire des concessions. J'aurais pu décider de rester en Belgique et prendre une toute autre voie, qui aurait été très bien aussi, mais j'ai décidé de voilà, focaliser sur, entre guillemets, ma carrière et puis la rencontre d'autres individus outre-Atlantique. Voilà, donc c'est clair que ce n'était pas forcément évident. Beaucoup d'échecs aussi, c'est-à-dire, je veux dire, le boulot n'était pas forcément facile, les demandes de visa, des galères. C'est le thème du petit clin d'œil qui arrive. Long is the road hein, pour avoir ce visa et ce nom sur un visa pour les USA. Vous l'avez eu en quelle année? Parce que ça fait 10 ans que vous êtes aux États-Unis, mais il a fallu un petit peu être créatif au départ. Oui, en fait, je suis rentré par une porte, entre guillemets, plus ou moins facile, qui est celle des étudiants. Donc j'étais sur un visa de type F1. Et puis, bon, parce que chaque visa a une lettre et un numéro, et du coup, au fil des années, bon, il faut s'y intéresser parce que c'est un peu le seul moyen de rester aux États-Unis. Donc, l'administration Obama a poussé à plusieurs reprises des start-up visas et autres qui ne sont malheureusement pas encore tout à fait passés. Mais voilà, les choses évoluent et je pense que certaines choses sont déjà plus faciles à obtenir, certains visas par rapport à il y a quelques années. Et puis, y a les communautés d'entrepreneurs et les communautés d'expatriés sont aussi là pour s'entraider, donc c'est ça qui est génial. Il y a ce qu'on appelle aussi ici aux États-Unis le pay forward, donc c'est-à-dire qu'on va entre guillemets investir du temps, investir de l'énergie dans d'autres personnes en attendant pas forcément quelque chose en retour, mais justement en se disant on va les aider en amont et puis en espérant que eux puissent aussi nous aider à un moment ou à un autre si on a besoin. Et grâce à ça, j'ai eu d'autres entrepreneurs qui ont cru en moi, qui ont sponsorisé un visa ou qui m'ont aidé à comprendre comment le système fonctionnait, les cartes vertes, etc. Donc voilà, donc au final, j'ai pu tracer mon chemin et j'ai pu trouver la ligne directrice, mais ce n'était pas joué d'avance. Ouais, c'était pas comme une autoroute américaine, une grande tout droit, quoi. Il y a eu quelques détours pour arriver finalement à Sunrise. Dans quelques instants, vous nous présenterez cette application qui vous a rendu multimillionnaire. On écoute tout d'abord la révélation soul music de la côte Est, Alan Stone, sur la première. Just trying to find my way through this. In a perfect world, in a perfect world. In a perfect world, in a perfect world. It ain't bringing me down. Perfect World, c'était Alan Stone sur la première aux États-Unis ce matin en compagnie de Jérémy Levan, concepteur de Sunrise, et Sandrine Dixon, qui est entre autres, parce qu'elle a une très grande carte de visite, porte-parole des démocrates américains en Belgique. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Jérémy Levan, notre Belge du bout du monde, créateur de Sunrise. Alors, pour quelqu'un qui aurait passé quelques années sur la Lune et qui arriverait sur notre planète aujourd'hui, c'est quoi Sunrise, Jérémy ? Sunrise, c'est très simple, c'est un agenda connecté. Donc, en gros, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre la version actuelle d'un calendrier et l'améliorer en y ajoutant différentes connexions, c'est-à-dire vers LinkedIn, Facebook, Tripit pour les voyages, donc connecter un maximum de services dans un calendrier, parce qu'aujourd'hui on est connecté à tout point de vue, donc pour nous ça avait du sens de créer un agenda connecté justement. Alors vous l'avez vendu à Microsoft, ça s'est passé comment? On est allé vous repérer? Vous avez demandé rendez-vous à Bill Gates? Racontez-nous un peu l'histoire. Non, j'aurais bien voulu prendre rendez-vous. Non, en fait c'est Microsoft qui s'est intéressé à nous, donc nous on construisait notre agenda dans notre coin à New York. On était une petite équipe. À l'époque, on était 12 personnes, donc relativement petit. Et Microsoft, qui, eux, s'intéresse. C'est ça qui est aussi intéressant comme dynamique aux États-Unis, c'est qu'autant les petits poissons s'intéressent aux grands, à savoir, tiens, qu'est-ce que Google fait, qu'est-ce qu'Apple et Microsoft sont en train de mijoter en ce moment. Autant les grandes multinationales s'intéressent aussi à ce que font les petits joueurs. Et du coup, Microsoft est venu toquer à notre porte, tout simplement, et du coup, s'intéresser à la technologie qu'on avait construit derrière. On avait construit une équipe donc relativement spécialiste vu le nombre de personnes actives dans Sunrise. Et du coup, voilà, la synergie pour eux avait énormément de sens parce que Microsoft, faut pas l'oublier, c'est Outlook. Outlook, c'est le concurrent de Lotus Notes, IBM à l'époque, et aujourd'hui représente, j'ai envie de dire, 90% de la taille de marché au niveau business. Donc au niveau infrastructure, email, calendrier, donc ça a énormément de sens pour eux d'intégrer une startup comme Sunrise dans leurs équipes. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, nos équipes travaillent directement sur l'application Outlook Mobile. Donc Outlook, qui est un peu entre guillemets un dinosaure, existe depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, avait une présence principalement sur Windows, un tout petit peu sur Mac, surtout sur le web. Et du coup, avait besoin d'une présence sur le mobile parce qu'aujourd'hui, on est tous sur nos smartphones. Donc voilà, donc Sunrise fait partie en fait de aujourd'hui l'application Outlook Mobile principalement. Oui, et vous avez quitté le monde des petits poissons, vous êtes maintenant passé chez les gros, vous travaillez pour Microsoft, vous êtes directeur design sur Outlook Mobile, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc on a pu gracieusement garder notre bureau ici à New York, parce qu'on a un certain mode de vie. Le siège de Microsoft est basé à Seattle, et Seattle est très sympa, mais fort différent de New York. Et du coup, Microsoft comprenait qu'on devait garder notre indépendance d'une certaine manière, et nous a laissé cette indépendance. Donc on a des bureaux à San Francisco, on a des bureaux à New York, qui sont nos bureaux principaux pour nous, et puis les bureaux la maison mère à Seattle. Ouais, ouais. Vous vivez pour l'instant à Brooklyn, hein, avec votre toute nouvelle, enfin votre nouvelle, votre première, votre femme, en fait, votre épouse. Vous êtes jeune marié depuis 8 jours. Attention, ce que je raconte, moi. Vous vivez ensemble à Brooklyn, vous travaillez à Manhattan et vous êtes passionné de photos. Donc même si vous travaillez comme un fou, vous avez l'occasion de sortir peut-être l'appareil qui est directement intégré au smartphone. Disons que moi je suis tout à fait, c'est très pratique, mais je suis aussi un grand fan de photographie animalière, donc des téléobjectifs, hein, c'est mieux. Voilà, exactement. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment génial de vous entendre, ça fait rêver, ça va inspirer aussi peut-être plein de jeunes qui se débattent aujourd'hui dans l'impasse du sous-emploi. Faut pas avoir peur, faut y aller, et si on se plante, faut réessayer autre chose. Faites comme Jérémy Levan. Un petit mot avec vous, Catherine Tonero, juste avant que vous ne boucliez vos mâles pour les États-Unis. On va parler des perspectives américaines. Tout le monde retient son souffle à 6 semaines maintenant du scrutin. Oui, un scrutin historique et inédit à plus d'un titre. Hein. Après le premier président noir de l'histoire américaine, la première femme investie candidate démocrate, Hillary Clinton, qui est aussi une ancienne première dame et a été secrétaire d'État sous Obama. Face à elle, côté républicain, un profil plus qu'atypique, Donald Trump est à la base un riche homme d'affaires, présentateur d'une émission de télé-réalité. Jamais il n'a occupé de fonction publique. Un ovni politique qui a multiplié les frasques durant cette campagne tout sauf sereine, sur fond de tensions sociales et raciales. spatial. À l'opposé, hein, évidemment, deux candidats pour deux Amériques différentes. Oui, ils agrègent des publics très différents. On pourrait dire les femmes et minorités pour Clinton, les hommes blancs de classe populaire pour Trump. La société américaine n'aura probablement jamais été aussi divisée. Ses défis sont nombreux. Inégalités croissantes, contrôle des armes à feu, immigration, environnement. On attend de voir comment le plus gros pollueur de la planète va mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat qu'il vient de ratifier. Sécurité aussi, la crainte d'attentats terroristes qui vient d'être ravivée par ces explosions survenues à New York. Autant de thèmes de campagne pour les deux candidats. La remontée de Donald Trump dans les derniers sondages donne des sueurs froides au camp démocrate. La récente pneumonie d'Hillary Clinton est passée par là. Tous les regards sont à présent tournés vers les trois grands débats télévisés à venir. Coup d'envoi de la dernière ligne droite de la campagne. Le premier débat, il aura lieu demain et promet de nouveaux records d'audience aux États-Unis comme à travers le monde. On va suivre ça de très près. Vous serez sur place, je le rappelle, pour la RTBF et différents médias européens. Catherine Tonero, vous êtes à 6000 km de Jérémy, mais vous ne vivez plus que pour ça aussi, Sandrine Nixon. Pour l'instant, vous êtes hyper branchée campagne américaine. Oui, très branchée, comme j'étais à Washington et New York la semaine dernière, en plein dedans. Bien sûr, toutes les discussions autour de la pneumonie, puis les discussions au niveau aussi d'Obama et d'où il est né, et le fait que Trump a enfin admis que Obama était né en fait aux États-Unis. Je crois que ce qui est assez incroyable, c'est la différence, et c'est absolument correct ce qu'on dit, c'est vraiment deux représentants tout à fait différents au niveau des États-Unis. Je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, Sandrine, j'ai ma petite idée. Jérémy, je ne vous demande pas non plus, quoique j'ai mon idée aussi, mais vous allez pouvoir participer à ces élections présidentielles. C'est belge aux États-Unis, ça vote pour les présidents? Malheureusement non, il faut être américain, donc... Même en étant, je ne suis pas, mais même en ayant la green card, la carte verte, on ne peut pas voter, donc il faut avoir le passeport américain, la nationalité américaine, pour pouvoir voter. Mais vous gardez votre passeport belge, vous êtes fier d'être belge en fait, Jérémy. Tout à fait. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On vous souhaite bonne continuation, vraiment c'était un bonheur de parler avec vous deux, Jérémy, Ariane. Quand on est multimillionnaire comme ça, on fait un voyage de noces en Belgique ou on va plus loin? Quels sont vos plans tous les deux? On ne sait pas encore très bien, justement. Donc, on verra. Il y a le boulot qui nous rappelle aussi. Ouais, on peut être multimillionnaire, mais pensez à continuer à travailler. C'est jamais acquis, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est peut-être la culture américaine qui nous rattrape. Ouais. Ouais. Bon, on vous embrasse tous les deux. Je vous envoie Catherine Tonero dans quelques jours. Oui, j'arrive dans quelques semaines. Faites-nous signe. Bye bye. Beaucoup de courage, merci. Jérémy et Ariane. Merci Sandrine, merci Adrien. Merci à vous et merci à Paul-Michel qui réalise cette émission. La semaine prochaine, nous prendrons la direction du pays des mille collines en compagnie du chanteur-écrivain Gaël Faye. D'ici là, restez fidèles à la première. Dans un instant, un autre féru de nouvelles technologies, Alain Gerlache avec ses décodeurs RTBF. La première. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux. On prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicaments ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Mountain bike à la montagne. Oh, c'est calme ici. Ou plonger dans la mer. Oh, c'est calme ici. Lâchez-vous, profitez de votre voyage. Neckermann s'occupe de tout. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction First Minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus-malus descend deux fois plus vite, non? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus-malus... Non, descend... elle n'a pas dû comprendre la question. Mais et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis deux ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de deux mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. La première vous invite à l'avant-première de La fille inconnue. Si tu veux être un bon médecin, tu dois être plus fort que tes émotions. Le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Adèle Hanel. Je cherche du son. Pour y assister en présence des réalisateurs, le 3 octobre à Bruxelles, le 4 à Mons et le 5 à Charleroi, 0905 56 471, 50 cents par appel. La première. Il est 10h. C'est l'heure des infos avec Nathalie Devic, bonjour. Bonjour à tous. Dans une heure, Paul Magnette et ses ministres seront à l'Élysette. Le ministre-président Wallon doit y dévoiler les détails du budget. Un budget quasiment bouclé hier. Yasmina Favaro, qu'est-ce qu'on en sait pour l'instant ? Peu de choses filtrent, mais ce que l'on sait, c'est une bonne nouvelle pour les Wallons, pas de nouvelles taxes. La majorité PS-CDH a tenu sa promesse. Depuis tôt ce matin, les cabinets apportent aussi les finitions au budget. Tout sera validé avant 11h pour la présentation à la presse. Un budget donc sans nouvelles taxes, ça veut dire sans nouvelles recettes, ce qui induit que le retour à l'équilibre prévu pour 2018 normalement, eh bien ce sera sans doute reporté. Le budget Wallon aujourd'hui, celui de la Flandre hier, la Flandre qui rend, c'est certain, un meilleur bulletin. Là aussi, pas de nouvelles taxes, 400 millions d'euros d'investissement et un budget flamand à l'équilibre. Les ministres flamands d'ailleurs étaient tout sourire en l'annonçant hier. Pour les détails, il va falloir attendre demain. Geert Bourgeois, le ministre président flamand, le présentera dans son discours de rentrée devant son Parlement. Merci Yasmina. Yasmina Favaro, et précisons que la ministre fédérale du budget, Sophie Wilmès, sera l'une des invitées de l'émission politique À votre avis sur la Une Télé. Dès 11h30, vous pourrez réagir et donner votre avis sur le budget ainsi que les autres thèmes qui seront développés comme le street art et les fresques, disons un peu osés, qui ont fleuri cette semaine à Bruxelles. Aux États-Unis, on en sait un peu plus à présent sur l'auteur présumé de la fusillade survenue dans un centre commercial au nord de Seattle vendredi soir. Après 24 heures de traque, un homme a été arrêté et pour le moment, Anne-Sophie Brundongs, rien ne permet de dire s'il s'agit ou pas d'un acte terroriste. La police n'a pas encore donné beaucoup de détails. L'enquête est en cours. Aucune revendication n'a été formulée. Et les motivations du tireur sont pour l'heure inconnues. On sait à présent que le suspect appréhendé se nomme Arkan Setin. Il est âgé de 20 ans et réside à Oak Harbor, une ville voisine de Burlington. C'est là que vendredi soir, il a ouvert le feu dans le centre commercial, le Cascade Mall, faisant 5 victimes. 4 femmes sont mortes sur le coup. Un homme grièvement blessé est décédé un peu plus tard à l'hôpital. Dans un premier temps, le tireur avait été décrit par la police comme un jeune homme d'origine hispanique, mais les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer qu'il est né en Turquie. Le FBI a fait savoir qu'il n'y a à ce stade aucun indice d'acte terroriste et qu'aucun autre suspect n'est recherché. Une escalade militaire épouvantable, ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour qualifier ce qui se passe pour l'instant à Alep, en Syrie, où les habitants tentent d'échapper à la pluie de bombes larguées par le régime syrien et son allié russe sur les quartiers rebelles. Une cinquantaine de morts encore rien qu'hier, des hôpitaux qui n'en peuvent plus. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence à la demande des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, qui pressent la Russie de respecter très vite une nouvelle trêve. En Espagne, 5 ans après la fin des violences de l'ETA, le Pays Basque vote aujourd'hui pour renouveler son Parlement régional. Même si les principaux partis au pouvoir se déclarent pour l'indépendance, selon un récent sondage, seuls 23% des citoyens basques souhaitent réellement quitter l'Espagne. Et puis, les Suisses aussi vont aux urnes aujourd'hui pour moderniser, eux, leurs espions. Une série de votations dont une concerne effectivement les services secrets, oui ou non, à une nouvelle loi sur le renseignement autorisant les services secrets à intercepter notamment les communications téléphoniques ou électroniques, en particulier en cas de menace élevé. Verdict cet après-midi. En sport, pas de finale donc pour David Goffin au tournoi de Metz. Le Liégeois s'est incliné hier en 2-7 face au Français Lucas Pouille, 7-6 et 6-1. Une troisième défaite en 3 duels de Goffin face au Français. En football, Charleroi remonte sur le podium de la Division 1. Les Zèbres ont battu au stand hier soir 2-1. Zulte Waregem est toujours en tête après son succès 2-3 à Malines. La Gantoise a battu Saint-Tron 2-1 et partage un but partout entre Westland et Lokeren. Cet après-midi, le Standard reçoit Eupen, le Standard qui reste sur une élimination mercredi en coupe à Kiel, un club amateur. Mais depuis son retour en première division, Eupen séduit aussi par son beau jeu. Écoutez le gardien Hendrik van Krombrugge avec Pascal Chimé. Je pense que nous aussi, on a un bon esprit d'équipe et de guerrier pour enchaîner ce match. C'est vrai que c'est seulement 30 minutes de Eupen, mais un derby wallon, mais les gens à Eupen se considèrent pas comme des wallons. On est des germanophones, donc c'est pas un match plus important que des autres pour les gens d'Eupen. Un match contre Aix-la-Chapelle ou contre Gladbach, c'est plus important que le Standard. Hendrik van Krombrugge, match à 14h30, ensuite à 20h. Anderlecht clôturera cette 8e journée en recevant le dernier, Westerlo. Notez encore qu'en volley, la Belgique féminine s'est qualifiée pour l'Euro. Les Yellow Tigers ont gagné leur 5e match consécutif contre la Bosnie. Et voilà qui clôt ce journal. Toute l'info est sur rtbf.be. 10h05 tout juste, Alain Gerlache, on va décoder et pas que Brangelina. Non mais on va quand même en parler, mais on va parler de bien d'autres choses aussi. Et les impros, les infos, les prochaines infos, c'est à 11h. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. La première. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Bonjour à tous. 500 millions de comptes Yahoo piratés, des informations sensibles dérobées. Le bon vieux mot de passe a-t-il fait son temps et par quoi faut-il le remplacer ? Connaissez-vous le social eating ? Eh bien, ça consiste à partager ses repas en live sur le net et à regarder d'autres utilisateurs en train de manger. Qu'est-ce que ce phénomène dit de notre société et qui en profite ? De faux sites créés pour de bonnes causes, ça peut sembler paradoxal. Ce sera le sujet de la séquence Tendance Pub de Frédéric Brébant. Mieux communiquer, impliquer des citoyens, c'est l'ambition du Parlement de Wallonie. Mais les moyens sont-ils les bons ? Nous en débattrons. Vous écoutez Les Décodeurs, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actualité du web, des médias et de la communication. 10h, 11h, Les Décodeurs RTBF sur la première. Vous pouvez bien sûr aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. Et la page Facebook, Les Décodeurs RTBF, vous y trouverez toutes les infos sur l'émission. Vous pourrez aussi réagir et débattre avec nos chroniqueurs et invités. L'annonce du divorce d'Angelina Jolie et de Brad Pitt a été le sujet le plus discuté précisément sur les réseaux sociaux au début de la semaine. Elle a une de la plupart des médias du monde entier, même ceux que l'on dit sérieux. Alors, info ou dérive people, nous allons en débattre avec nos invités. J'aime ma femme. Mais il y a des moments où... Il y a maintenant une grande distance entre nous. Et elle ne fait qu'augmenter, surtout avec tout ce qu'on prend soin de ne pas se dire. Brad Pitt. Angelina Jolie. C'est un coup de tonnerre à Hollywood. Angelina Jolie a demandé le divorce de Brad Pitt, et cela après 12 ans passés ensemble. T'es là, mon ange ? L'amour devient meurtrier. On a un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Avec nous, Christophe Berti, rédacteur en chef au Soir. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Vandenskrieg, vous assurez la revue de la presse sur l'antenne de la première. Bonjour à vous aussi. Alors, l'annonce du divorce d'Angelina Jolie et de Brad Pitt a fait la une des médias du monde entier. Ce qui est remarquable cette fois-ci, Nicolas, c'est que ce n'est pas cantonné à ce qu'on appelle la presse people ou dite populaire, mais aussi d'autres journaux que l'on appelle de qualité ou sérieux. On met de gros guillemets à toutes ces expressions. Mais en tout cas, il y a quelque chose de différent cette fois-ci. Tout à fait. On a assisté vraiment dans la presse à, je vais dire, un petit raz-de-marée people, hein, avec des titres qui ont été dans tous les sens. On a entendu un petit extrait là, de Mr. and Mrs. Smith, le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Eh bien, le Standard avait choisi cet angle-là. Il a dit « ça se passe comme dans le film ». Pourquoi il divorce ? Avec le document officiel à l'appui, ça c'est Sud Presse qui a traité de cette manière-là. Que pèse le couple ? C'est la vision choisie par le soir que pèse financièrement 450 millions de dollars. Adieu Brad, je demande la garde. C'était un titre plutôt comique du Latsenis. Le plus comique, en tout cas moi c'est lui qui m'a le plus accroché l'œil, c'était le Brexit du Tag Plat au Luxembourg. Mais donc oui, on a assisté à un petit raz-de-marée people dans la presse belge. Particulièrement, ça n'était pas le cas des médias français. Le sujet ne s'est pas retrouvé à la une, en tout cas pas à la une du Monde, pas à la une du Figaro. Et c'est assez particulier de voir que, oui, nos quotidiens belges se permettent d'utiliser, de traiter cette matière des people et des stars, ce que ne font pas d'autres grands titres européens. Certains, parce que c'est vrai que j'ai pris l'exemple français, Le Monde, Le Figaro n'en parle pas, El País non plus, mais le Times, lui, ne se gêne pas du tout pour mettre une photo du couple en une mercredi matin quand on apprend l'annonce de ce divorce. Alors voilà, voyons ce que vous en avez fait, Christophe Berti, le soir, on a parlé. Pourquoi ce choix et de quelle manière avez-vous voulu aborder ce sujet ? Ben, je pense que rien que avec ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, on a vu que il y a eu des aspects financiers, des aspects people, et des aspects presque psycho aussi sur la question de la fin d'un amour qui parle à tout le monde évidemment, et un aspect un peu artistique aussi, parce que je ne suis pas ni spécialisé dans l'information people ni attaché de presse du couple, mais ce ne sont pas que des people, c'est des artistes d'abord, et puis c'est des gens qui sont devenus des icônes au fil des années et qui non seulement ont remporté un Oscar, mais sont aussi réalisateurs, mais sont aussi hommes d'affaires, mais sont aussi impliqués dans un aspect plus caritatif et sont devenus des icônes au fil du temps. Et donc, quand l'information tombe, je pense qu'au soir, on se dit qu'il n'y a pas d'information digne du soir et des informations pas dignes du soir, mais il y a un traitement soir de l'information. Et le traitement, selon notre choix, a été effectivement d'abord, en deux fois, pour être clair, on a publié d'abord la news avec un aspect financier, parce qu'ils sont, ils pèsent, comme on dit maintenant, et après, on est revenu encore, sans honte du tout, sur l'aspect identification et l'aspect de la fin d'un amour qui, évidemment, parle à tout le monde dans notre société. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est une dérive people et qu'on voit bien que les journaux, qui traditionnellement étaient peut-être un peu plus prudents par rapport à ce genre de sujet, ou timorés, essayent de suivre parce que, voilà, il y a les difficultés financières, il faut s'intéresser au public aussi, à ce qu'il attend des médias? Je pense que s'intéresser au public et les difficultés financières ne vont pas toujours de pair. Je pense que c'est pas de honte de s'intéresser au public. Le soir dans ses lecteurs plus de 60% de gens qui ont un diplôme d'études supérieures. C'est notre catégorie de lecteurs, comme on le dit, qui qualifie un quality. Ces gens-là s'intéressent aussi à Brad Pitt et à Angelina Jolie. Alors, la volonté du soir n'est pas de savoir pourquoi elles ont divorcé, si un est alcoolique, si l'autre l'a trompé, peu importe, et c'est vraiment pas du tout notre type de journalisme, mais on développe des angles sur ces sujets-là, et pour moi, il n'y a aucune honte à traiter ça. Vous savez, on fait partie désormais depuis un an d'un groupe qui s'appelle l'ENA, de journaux européens, où il y a El País, où il y a La Repubblica, où il y a Die Welt, où il y a Le Figaro, où il y a des journaux suisses, et La Tribune de Genève, et La Repubblica, et Die Welt ont eux aussi traité le sujet pour l'instant. Nicolas, est-ce qu'on peut dire, dans la foulée de ce que vient d'avancer Christophe Berti, que finalement la différence entre les journaux, elle est davantage dans la manière dont on parle des sujets, dans le traitement ? Oui, tout à fait. Je prends l'exemple du Morgan, Hugo Kamps, est parti de Brad Pitt et d'Angelina Jolie pour arriver à Schopenhauer et à Kierkegaard. Oui, c'est différent, donc, évidemment. Donc là, il y a un très très grand écart et une façon de traiter le sujet assez particulière. Et aussi, je voudrais revenir sur le statut d'icône des deux personnages. On n'a pas autant parlé de la séparation de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, pour rester dans des cas de stars de cinéma. On est au niveau d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton. Voilà. Donc c'est au point aussi que des journaux, je reviens au Morgan, ont mobilisé des profs de philo-morale, de psychosocial, pour essayer de comprendre pourquoi ce divorce nous fait pleurer. Finalement, parce qu'on les connaît tellement, ces deux stars, ces deux icônes, que ça devient presque un couple d'amis, mm-hmm. et qu'on est aussi choqué par ce divorce-là que par un divorce de proches. Il y a aussi un aspect évidemment mythique, c'est un des derniers grands couples comme ceux que l'on a connus dans les années 50, hein, les grands couples d'Hollywood. C'est aussi dans la mémoire collective, ça, Christophe Berti. Alors je sais bien que vous n'êtes pas spécialiste, moi non plus, mais vous connaissez quand même aussi cet intérêt du public pour finalement ce qui nous rappelle aussi des temps passés et qu'on peut revivre aujourd'hui. C'est aussi un angle Exactement. Intéressant. Et je pense aussi que, sans être, je répète, proche du couple, on a aussi interrogé un prof de communication dans nos pages qui nous explique que c'est la mort d'une marque, en fait. Et je pense qu'effectivement, ce couple-là avait tout compris aussi, non seulement d'Hollywood, mais de ce qui va avec, c'est-à-dire le business et les médias. Ils avaient créé une marque. Pour compléter un peu ça, je rappelle que quand Angelina Jolie décide de l'ablation de ses seins de manière mm-hmm. préventive pour éviter un cancer, elle le communique via une carte blanche dans le New York Times, et pas dans Closer ou dans Voici, là-dedans. Et donc et le New York Times la publie. Et donc c'était déjà là, à la fois une utilisation des médias de leur côté, une ouverture des médias à un monde qui est de plus en plus mélangé. Nicolas, Christophe Berti faisait allusion à une marque. Il y a une marque, Brangelina, oui, est devenue une marque que beaucoup de journaux ont repris. Oui, et qu'on a retrouvé telle quelle dans les titres. Hein. C'est le divorce de Brangelina. Quoi. On aurait pu dire d'Angeli Brad aussi, d'ailleurs, mais ce n'était pas le nom qu'on leur a donné. Pour en revenir à cette dimension cinématographique, il y a aussi le fait que le cinéma et une bonne partie des films dans lesquels ils ont tous les deux joué, le cinéma nous a habitués au happy end. Et c'est peut-être ça aussi qui étonne, qui choque et qui fait, comme disait le Morgan, qu'on en pleure. C'est que pour une fois, on n'a pas droit ici à un happy end. Eh bien, c'est sur cette note un peu tristounette que nous terminerons cet entretien. Et évidemment, c'est aussi pour cette raison qu'on en a parlé ici, pour ceux qui se poseraient la question, c'est que c'est aussi la mort d'une marque. Et donc, on en parle dans une émission de communication. Je dis ça pour essayer de prévenir d'éventuelles critiques. Christophe Berti, rédacteur en chef au Soir. Nicolas Vandenskrieg, journaliste à la RTBF. Merci. Merci à vous. Au revoir. Satisfied? Not for years. 10h-11h sur la première. Les décodeurs RTBF. It's all John, sweetheart. Diffuser ses repas en live sur le net et regarder les autres manger, on appelle ça le social eating. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est aussi un vrai business et nous en parlerons dans quelques minutes. Mais d'abord, ce gigantesque piratage, il a touché l'opérateur de service internet Yahoo. 500 millions de comptes touchés, des informations personnelles comme des dates de naissance, des noms, des adresses électroniques, des numéros de téléphone ou des mots de passe volés. Encore une affaire de piratage ou bien la preuve qu'il faut revoir les systèmes de protection. Nous en parlons avec Olivier Bogard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes commissaire à la police judiciaire de Bruxelles, membre de la célèbre Computer Crime Unit. Un demi-milliard de comptes, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui. C'est un des plus gros piratages de l'histoire. De mémoire, bon, évidemment, je ne peux pas juger. Il y a peut-être eu d'autres incidents non connus. Qu'on n'a pas connus. Mais de mémoire, oui, ça me semble être un des plus importants. Alors, l'intrusion date de 2014. Nous sommes fin 2016. C'est un étrange retard, quand même, ça. Alors... ou bien c'est comme... Oui, c'est habituel d'attendre... À titre personnel, je dirais que, nous le savons, Yahoo n'est pas dans une santé financière exceptionnelle. Et donc, on a aussi entendu les négociations qui sont organisées pour son rachat, sa revente, etc. Par appartement et notamment par Verizon, voilà. Le grand opérateur téléphonique. Et donc, la question était de savoir, est-ce que ça ne pouvait pas apparaître à un moment ou à un autre comme préjudiciable par rapport à l'avenir de la société. Oui, il faut savoir que Yahoo, c'est une star du web des années 90. Voilà, exactement. Nous avons connu ça, moi, mon premier navigateur, ma première adresse email, la page d'accueil. C'était Yahoo, et puis il a raté le virage des réseaux sociaux. il valait mieux peut-être en effet attendre pour ne pas perdre de la valeur. Mais du coup, il y a des internautes qui envisagent de porter plainte en disant « on nous a caché des choses » ou bien même « vous n'avez pas assuré le service que vous deviez faire ». Ça vous semble être une base intéressante, ça ? Mais en tout cas, c'est le système à l'américaine, je dirais. Vous le savez comme moi, à partir du moment où le service qui est proposé n'a pas été rendu et qu'il y a un préjudice potentiel, il y a une demande de réparation. Et donc, je pense effectivement que d'après ce que j'ai lu, la plainte est déposée. L'Américain qui dépose plainte contre la société Yahoo va essayer, à mon avis, une class action. Voilà, c'est ça, ces actions collectives, voilà, évidemment. De façon c'est... à pouvoir essayer de, à la fois, je vais dire, obtenir des explications concrètes et claires de la part de Yahoo, et puis demander une réparation. En attendant, si j'ai un compte Yahoo, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, moi, je crois que la première chose à faire, comme on le dit dans n'importe quel incident, c'est de changer la porte. Mmh. Et donc, changer la porte et la serrure, c'est donc aller modifier le mot de passe pour voir, dans la mesure où j'ai un compte Yahoo qui traîne, donc je me suis amusé à aller vérifier, je n'ai pas eu d'avis de Yahoo, me signalant le piratage en question et m'invitant. Ça va arriver parce que moi j'en ai reçu un. Mais donc j'ai constaté que mon mot de passe avait été changé après l'incident déclaré. Oui. Donc a priori, ils ont récupéré mon ancien mot de passe et pas celui que j'avais mis à cette époque-là. Mmh. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être envisagé très clairement, c'est de modifier le mot de passe. Alors, si on prend un peu de recul, hein, cette affaire arrive après plein d'autres. Est-ce que ce n'est pas celle de trop qui indique que, plutôt que de changer simplement de mot de passe, c'est tout le dispositif qu'il faut changer ? Surtout qu'on va aller de plus en plus vers un environnement numérique connecté, global, je vais dire, on parle des voitures, etc., etc. Et donc, la sécurité d'accès... Il y a une Tesla qui a été piratée aussi cette semaine. Exactement, ouais. Ça va devenir vraiment extrêmement important. Et donc, je plaide depuis très longtemps déjà pour ce qu'on appelle la validation en deux étapes. Il y en a qui le proposent déjà, et on va citer les concurrents de Yahoo, à savoir Microsoft et Google. Ceci étant, Yahoo l'avait implémenté, hein, il faut être objectif. Yahoo l'avait également implémenté. Et entre deux étapes, ça veut dire quoi ? Alors très concrètement, ça veut dire que ou bien vous utilisez, je citais les deux premiers, Google et Microsoft, qui ont développé ensemble une application qui s'appelle Authenticator. On active sur son profil la validation en deux étapes, et lorsque vous vous connectez au service, identifiant, mot de passe, et le code qui est généré par l'application. Un peu comme pour les services bancaires, où il y a en effet plusieurs étapes à franchir. Et on a l'autre possibilité, pour celui qui ne veut pas s'encombrer de l'application, c'est de donner un numéro de téléphone à Google ou à Microsoft, et il vous envoie un SMS avec un code qui a une durée de vie d'une minute maximum. Mais chaque fois qu'on se connecte, c'est quand même un peu fastidieux, ça. On peut, par rapport à un certain nombre d'ordinateurs, on peut définir les machines comme des machines de confiance. Ouais. Mais on voit bien quand même que le mot de passe est en train de disparaître sur les mobiles, sur les ordinateurs. Par exemple, on déverrouille son smartphone avec le doigt, hein, avec l'empreinte digitale, ou bien il y a aussi la reconnaissance de l'iris. C'est vers ça qu'on va, vers des choses plus personnelles, plus identifiées. Mais est-ce que, du coup, on sera garanti contre toute forme de piratage ? Mais je pense qu'on va aller vers quelque chose qui va s'appuyer effectivement sur la nécessité, au moment de la connexion, d'avoir un support que je vais qualifier de physique. Bon, notre iris, notre empreinte digitale, mais on pourrait même imaginer un objet qui soit connecté, enfin un objet connecté, qui nous identifie. Ça pourrait être par exemple un petit module avec une puce intégrée, et donc le principe du RFID, donc l'identification par cette puce, qui au moment où on présente la puce au support sur lequel on veut se connecter à un service, va nous reconnaître comme étant la personne en question. Donc oui, je pense qu'il faut garder le mot de passe, mais il faut le doubler des services que vous évoquez, à savoir la reconnaissance au niveau de l'iris, l'empreinte digitale ou un support physique. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, la sécurité absolue, ça n'arrivera jamais. Non, ça je crois qu'il y a de toute façon une culture de la sécurité qui doit... Le problème c'est qu'on le voit souvent parce qu'on n'a pas assez peut-être subi de préjudice par rapport à ça, mais beaucoup d'utilisateurs sont encore avec le même mot de passe. Donc, on a vu, par exemple, le piratage de LinkedIn il y a quelques semaines, on a vu les mots de passe sur le 1,5 million de personnes qui avaient été concernées. Le mot de passe de 750 000 personnes, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Alors, on va me dire, oui, mais c'est un réseau social professionnel, je n'y mets que des informations. En même temps, c'est une façon de, quelque part, donner un certain nombre d'informations sur soi, et on est susceptible de, du coup, permettre l'ouverture d'autres portes. Eh bien, Olivier Bogart, merci. Hein, on continuera à suivre vos chroniques aussi sur Classique 21. Restez avec nous, le sujet suivant va aussi vous intéresser. On est foutu, on mange trop. Ce sont des blinis de Midoff. 10h-11h, sur la première. Vous savez que nous buvons un veuve Clicquot 1860. Les décodeurs RTBF. On est foutu, on mange trop. On appelle ça le social eating, hein. On allume sa webcam quand on mange et on diffuse les images sur une plateforme tout en regardant d'autres personnes, elles aussi, en train de manger. Bonjour Nicolas Van Der Beest. Bonjour. Alors vous passez le plus clair de votre temps à observer le web sans webcam, enfin pour l'instant. Et c'est vous qui avez attiré mon attention sur ce phénomène. C'est bien comme ça que ça se passe, hein. C'est pas inventé. Hein. Non, c'est bien comme ça que ça se passe. Alors, impossible de ne pas raccrocher ça à la culture du moi sur Internet. Et voici ce que disait de cette culture Elsa Godard. Elle est docteure en philosophie et en psychologie. Elle était récemment l'invitée d'Eddie Kackelberg dans Face à l'info à l'occasion de la sortie de son livre « Je selfie, donc je suis ». Les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel, c'est paru chez Albin Michel. Elle explique notamment comment nous communiquons aujourd'hui sur le net. Une partie de notre communication aujourd'hui passe moins par l'importance des mots que par l'effort et la force des images. Des images d'un genre nouveau, si je puis dire, puisqu'elles sont ce que j'ai appelé éphémères, des images éphémères qui n'ont pas vocation à durer, à être interprétées, mais juste à être vues. Alors est-ce du narcissisme, comme on le dit souvent ? Pas tout à fait pour Elsa Godard. Moi, je ne parle pas de narcissisme au sens courant du terme, parce que ça renvoie trop à une approche structurelle du sujet, voire même psychanalytique. Moi, je préfère parler d'égotisme, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une société qui a pour souci l'ego, où on a l'art de se mettre en scène, l'art de se montrer, l'art d'exister sur le mode de la représentation, ou encore de l'apparence, peut-être bien plus que sur une recherche de fond. Et le selfie s'inscrit tout à fait dans cette mouvance. À un moment donné, il y a une volonté d'existence, de confirmation de mon existence, par le seul fait que je suis vue. Alors, l'égotisme, on peut le voir d'un point de vue psychanalytique, philosophique, sociologique, mais Nicolas, c'est aussi un business. Cette plateforme de social eating, elle a été mise en ligne par un éditeur de jeux. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit, je sais que ça plaît à Twitter, j'aime faire plaisir à Twitter, mais c'est la libéralisation du marché cognitif. En gros, ça veut dire que n'importe qui peut publier n'importe quoi. Et il y a des éditeurs, il y a des plateformes qui profitent de ça, en fait. C'est-à-dire que comme il y a du temps de cerveau disponible, de l'attention à choper, eh ben, venez poster chez moi. Et c'est ce que les chercheurs, en fait, appellent le courant du digital labor, donc en gros, le travail digital. C'est en gros que vous travaillez pour les plateformes puisque vous produisez du contenu par votre mise en scène, par votre mise en soi, et que cela, après, vous récupérez ce que la plateforme vous donne, des likes, des émotions, des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, la plateforme, elle gagne de l'argent sur votre travail, en fait. Mais elle gagne de l'argent comment ? Elle gagne de l'argent parce que vous... Les internautes proposent quelque chose, un contenu qui suscite de l'attention, toute attention est monétisable sous forme de publicité, etc. Et la plateforme ici qui exploite cette technique, Twitch, était déjà assez spécialisée là-dedans, puisque au départ c'était les streamings pour les jeux vidéo. Et tout le monde s'était moqué d'eux en disant, enfin, on ne va pas regarder quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, etc. Résultat, en 2014, c'était racheté à 1 milliard d'euros par Amazon. Donc nos vies, c'est de l'argent. Notre temps, c'est de l'argent pour d'autres. Exactement, c'est du temps de cerveau disponible et donc c'est exploité par les autres. Et en fait, ça participe au fait que comme tout est libéralisé, on peut avoir une hyper segmentation, c'est-à-dire qu'en gros, je rassure les gens, ceux qui regardent quelqu'un en train de manger, en général, dit le président de Twitch, c'est entre 8 et 125 personnes qui regardent. C'est pas énorme, mais vous cumulez ça 1000 à 2000 fois, ben ça fait un véritable marché de publicité. Et donc, c'est en fait que comme tout est segmenté, on peut proposer du contenu hyper personnalisé qui n'apparaît pas pour le commun des mortels intéressant, mais qui pour une certaine personne l'est tout à fait, elle répond à un besoin qui est le sien. Moi je prends souvent comme image qu'en fait si vous cherchez sur le web un unijambiste femme de Céline Dion qui vit en Espagne, vous allez le trouver. Et tout est disponible et tout est segmenté. Olivier Bogart, le fait de se montrer comme ça sur Internet, bon, quand on mange, c'est encore relativement soft, on sait qu'il y a d'autres activités, parfois plus privées. C'est un risque que l'on court aussi en termes de sécurité ? Je pense, et moi je vais réagir, je dirais, par rapport à ce que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer comme situation problématique. Cette surexposition va faire qu'on met à disposition une série d'éléments permettant d'être parfaitement ciblé. Et en termes d'arnaque, par exemple, en termes d'escroquerie sur le net, les auteurs vont pouvoir, à partir de là, comprendre la personnalité de la personne en question, et dans les contacts qu'ils vont établir, ils vont pouvoir trouver les thèmes qui vont retenir son attention, qui vont faire qu'à un moment ou à un autre, elle va céder à la tentation de « je suis vraiment en contact avec quelqu'un qui me comprend » et voilà, et le portefeuille va s'ouvrir. Plus on s'expose, plus on se fragilise quelque part. Je pense qu'effectivement, il y a une notion comme celle-là qui doit être conservée, mais encore une fois, c'est par rapport au retour d'expérience malheureuse de ceux qui tombent dans les pièges des arnaqueurs que je réagis. Et pour autant, Nicolas, c'est pas prêt de s'arrêter ce phénomène hein. C'est-à-dire qu'il faut voir, parce qu'il faut quand même expliquer que ça vient de Corée du Sud. Oui. La Corée du Sud, c'est un pays assez spécial culturellement. Le culte de la nourriture est aussi spécial. C'est aussi un des pays où il y avait, où est diffusé à la TV, et c'est un des trucs le plus vu, des championnats de jeux vidéo. Donc, il faudrait voir vraiment si ça va s'installer sur le long terme. Mais le patron de Twitch, il a tout intérêt à dire que c'est trendy pour alerter la presse, et finalement que les gens se disent, bah tiens, j'ai envie de le faire et je vais aller sur Twitch. Mais en même temps, on voit bien que depuis l'arrivée de Facebook Live, par exemple, eh bien, il y a une explosion des vidéos en direct sur le net. Hein. Ça, c'est certain. Et c'est une tendance qui va s'insérer, parce que pourquoi ça va de plus en plus vite? Le mobile dispose de temps de connexion les plus rapides. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça fonctionne beaucoup en Corée du Sud, c'est parce que là-bas, on a le web mobile le plus rapide au monde. Et même le web fixe le plus rapide au monde. C'est vraiment une politique de l'État. Donc, ça va aller crescendo. Eh bien, on aura l'occasion sûrement d'y revenir parce que vous découvrirez encore d'autres choses. Vous allez rester avec nous aussi parce que tout à l'heure, on parlera des tentatives des parlementaires pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux et vous en donnerez votre avis. Myself and I, c'était De La Soul. Dans quelques instants, Frédéric Vraiment va nous parler de faux sites créés pour de bonnes causes. Ça se passe sur La Première. Tout à l'heure à 17h30. Et Dieu dans tout ça. Avec Pascal Claude. Il veut enseigner un islam humanisé. Il est professeur de religion islamique. C'est Hicham Abdelgawad, notre invité ce dimanche. Il évoquera sa foi, ses remises en question et les interrogations des jeunes à l'école. Et Dieu dans tout ça. Le dimanche de 17h30 à 18h sur La Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39€ par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La 2, en télé. Vitamine, c'est votre nouveau rendez-vous bien-être sur la 2. Le principe, vous nous posez des questions via les réseaux sociaux et nous tentons d'y répondre. Je vais même me mettre au défi en testant les solutions proposées par les spécialistes. Vitamine, un concentré d'astuces bien-être, c'est du lundi au vendredi sur la 2. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes, ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. 10h-11h sur la première. Les décodeurs RTBF. Il est 10h33, on va décoder les dernières nouveautés de la pub avec Frédéric Brémand, journaliste à Trends Tendance. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors vous allez nous parler de quelques impostures qui ont essaimé cette semaine sur le web. A priori, des impostures sur le web, ce n'est pas très original, mais c'est mal vous connaître, car ce sont des impostures qui ont été créées pour la bonne cause. Oui, vous avez peut-être entendu parler cette semaine d'une certaine Louise Delage. Louise Delage, c'est une jeune femme sur Instagram. Elle est active sur ce réseau social depuis le début du mois d'août et très vite, elle a attiré l'attention sur elle avec de très belles photos où sa plastique est mise en valeur, elle pose dans de jolis endroits. Et en quelques semaines à peine, son compte comptait quand même 15 000 followers, 15 000 abonnés. Mais cette semaine, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un faux compte. Louise Delage n'existe pas, il s'agit en fait d'une étudiante qui s'est prêtée au jeu d'une agence de pub française, BETC pour ne pas la nommer. Et c'est un journaliste, peut-être complice, qui a découvert le poteau rose. Sur chaque photo de Louise Delage, de manière plus ou moins discrète, on voyait en effet une boisson alcoolisée. Un verre de vin, une bière, un cocktail, un mojito, bref, toutes les photos, et Instagram est quand même le réseau social de la photo par excellence, bref, toutes les photos mettaient en scène Louise Delage avec un verre d'alcool. Et le but précisément, c'était de dénoncer l'alcoolisme rampant chez les jeunes. Exactement. En fait, il s'agit d'une campagne pour une association qui a pour vocation de lutter contre les addictions, comme celles liées à l'alcool, au cannabis ou à la cigarette. Cette association s'appelle Fonds Action Addiction. Et donc, ils ont eu la bonne idée de jouer la carte des réseaux sociaux et de l'imposture pour faire passer un message à coups de jolies jeunes filles et de photos glamour et d'endroits exotique. Ce qui est assez drôle, c'est que cette semaine aussi, on a eu une espèce d'imposture sur Facebook pour sensibiliser les internautes à un autre fléau qui est la maladie d'Alzheimer. Mercredi dernier, le 21 septembre, était célébrée la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et à cette occasion, le réseau social Facebook a piégé ses utilisateurs français avec de faux souvenirs. Si vous êtes sur Facebook, vous savez qu'on vous propose chaque jour sur votre fil d'actualité de revoir des souvenirs postés il y a 3 ans, 5 ans, voire plus, eh bien ce jour-là, Facebook a ajouté une photo avec des gens de dos pour que ses utilisateurs vivent l'espace de quelques minutes cette expérience vécue quotidiennement par des millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire ne pas se souvenir d'un événement, d'une fête, d'un anniversaire. Et donc, on était interpellés et en cliquant sur cette photo mystère, eh bien les utilisateurs étaient redirigés vers le site de l'association France Alzheimer. Donc, bien joué de la part de Facebook. Oui, d'autant que le fait de révéler une imposture, c'est ça qui fait justement qu'on s'y intéresse. Hein. Oui, tout à fait. C'est à double détente. Et c'est pas fini parce que cette semaine encore, une autre association a aussi créé un faux site internet, hein, cette fois-ci, pour sensibiliser les gens au fléau de la prostitution. Tout à fait. On peut dire que c'était la semaine de l'imposture, hein, mais pour la bonne cause. Cette fois, c'est l'association française Le Nid qui milite depuis des dizaines d'années pour l'abolition de la prostitution. Le Nid a mis au point un subterfuge sur le net. Elle a créé le site girlsofparadise.sex, défiparadisiaque.sex en français. Mm-hmm. L'idée, c'était de montrer l'envers du décor de la prostitution, mais pas tout de suite, évidemment. Les clients potentiels qui se dirigeaient sur ce site tombaient d'abord sur des profils de filles de rêve. Ils pouvaient engager la conversation pour prendre rendez-vous, voir des photos. Et au fil de la discussion, ces photos de filles présentaient des femmes, pardonnez-moi l'expression, mais de plus en plus amochées, battus. Et donc l'idée du Nid par ce faux site était d'interpeller de vrais clients potentiels sur le calvaire vécu par les prostituées, parfois battues à mort par leurs proxénètes. Mmh. Il faut rappeler que depuis le début du mois d'avril, les clients de la prostitution sont punis en France, hein, passibles d'une amende de 1500 euros. Et donc grâce à cette action, le Nid a piégé et on l'espère sensibiliser 4000 hommes adeptes de ce genre de service sexuel. Alors c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'embouteillage cette semaine, mais ce n'est pas la première fois qu'on recourt à ce genre de pratique du faux site. Non, effectivement. Hein, il y a 3 ans, je me souviens que les organisateurs d'un festival de photos ont eu l'idée de mettre en scène le récit d'un faux migrant sur Instagram, depuis son départ de Dakar jusqu'à son arrivée en Europe, avec toute une série de selfies hein, tout à fait vraisemblables. Mais là, l'idée était de sensibiliser sur le danger que peut représenter la manipulation de l'info sur les réseaux sociaux grâce à de vraies fausses photos. Et ce n'est pas fini parce que là, maintenant, pour l'instant, il y a un autre mystère qui se répand sur Instagram. Il s'agit d'un compte d'une fille qui s'appelle Michaela et qui semble étrangement réelle et virtuelle à la fois dans sa plastique. Elle est suivie par plus de 100 000 abonnés. Elle poste des selfies un peu étranges. Le seul indice palpable, c'est que sur son profil Instagram, un lien mène vers le site du planning familial américain. Donc là aussi, c'est sans doute un fake, une imposture pour la bonne cause, mais on n'en est pas encore certain. L'affaire est à suivre, donc, mais une chose est claire, en marketing, le mensonge peut aussi être une arme efficace quand c'est pour la bonne cause. Et notre commissaire, Olivier Bogart, est resté avec nous. Rien à redire sur ces faux comptes, ça c'est pour la bonne cause, on se repasse. Ah ben écoutez, moi je trouve que c'est une bonne idée par rapport à l'usage qu'on fait désormais du numérique, la façon dont les gens likent. Donc si on peut faire passer des idées, on peut faire passer des bonnes pratiques de cette manière-là, pourquoi pas. Même si c'est faux. Vous n'allez pas vous plonger là-dessus. Non. On sait très bien, ça a toujours existé. D'accord. Eh bien, merci Frédéric et à la semaine prochaine. Les décodeurs RTBF sur la première. À l'occasion de la rentrée du Parlement de Wallonie, son président André Antoine a présenté ses propositions pour développer la participation des citoyens à la vie politique et aussi améliorer la communication des parlementaires. Alors nous en parlons avec Mine Rechant, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université catholique de Louvain. Éric Bierin, expert en communication politique, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Van der Beest, qui regarde Internet. Bonjour. Rebonjour plutôt. Et d'abord, une petite visite guidée. Le Parlement wallon a fait sa rentrée aujourd'hui. Objectif, plus de démocratie, une plus grande participation du citoyen dans les décisions politiques. Le studio, logé à l'entrée du Parlement wallon, doit permettre de réaliser des vidéos pour les réseaux sociaux. La console est très simple d'usage et elle a pour but, bien sûr, d'incarner cette volonté du Parlement aujourd'hui de rapprocher les élus des véritables décideurs que sont nos concitoyens. Dans la même logique, vous verrez bientôt à la place des députés, des citoyens wallons tirés au sort pour participer aux commissions parlementaires. Il ne faut pas que ce soit du grand n'importe quoi. Et là-dessus, on attend évidemment les modalités. Il ne faudrait pas que ce soit un coup de communication du président qui, à la rentrée, se dit « Ah ben tiens, de quoi est-ce que je parlerai bien ?» Et puis on en arrête là. On entendait, outre John Lennon, André Antoine, le président CDH du Parlement de Wallonie, et Stéphane Azé, le chef de groupe écolo. Éric Bierin, coup de com' ou bien il y a quelque chose quand même là derrière? Mais il y a une prise de conscience en tout cas de ce qu'il faut sans doute faire fonctionner de meilleure façon la démocratie. Mmh. Le président du Parlement wallon, comme beaucoup d'autres personnes, a constaté qu'il y avait de plus en plus de gens qui allaient voter avec des pieds de plomb, qu'il y avait effectivement une distance qui se creusait de plus en plus entre les citoyens et leurs représentants politiques, qu'il y a une crise de la démocratie représentative. Maintenant, il faut voir la mise en place de ce studio, voir si c'est pas simplement un gadget. On et par ailleurs, discuter, hein. Est-ce que c'est tout à fait indiqué au moment des smartphones? Enfin voilà, bon. Oui, nous, on va analyser tout ça. Mais on retiendra aussi ce qui a été dit, c'est que les véritables décideurs, ce sont les citoyens. On prendra sûrement les parlementaires au mot. Mine Rechant, vous suivez très attentivement ces initiatives en matière de participation citoyenne. Vous aviez d'ailleurs été auditionné par la commission ad hoc du Parlement. Est-ce que ces initiatives vous paraissent aller dans le bon sens globalement? Mais vu la situation de ce désamour entre les électeurs et leurs élus, toute initiative peut être saluée. Évidemment, il faut évaluer comment concrètement cette initiative peut se mettre en place. Parce qu'effectivement, derrière l'appellation panel citoyen d'une part et tirage au sort d'autre part, on peut mettre différentes réalités méthodologiques et les unes et les autres ne sont pas équivalentes, évidemment. Mais justement, alors on va un peu serrer les choses. Parmi les innovations, il y a l'ouverture d'une boîte à idées que les citoyens peuvent alimenter. Ça, c'est quand même pas très très nouveau et original, mais plus novateur sans doute, les sujets qui seront déposés, eh bien ils devront être abordés au Parlement. Mais il y a quand même un certain nombre de filtres. Tout à fait. Et cette idée que l'on peut associer à l'idée de pétition, elle est très ancienne. La Constitution la connaît depuis bien longtemps. Ce qui est nouveau, visiblement, c'est le fait de pouvoir en discuter réellement en assemblée. Là, effectivement, il y aura des seuils à rencontrer par rapport à ça. Mais au-delà de ça, il y a une volonté, surtout du Parlement, de dire on ne va pas faire la sourde oreille. Et c'est peut-être ça la nouveauté, c'est de dire oui, on sait bien qu'il y a toujours eu des pétitions, mais cette fois-ci, on en prend plus attention. Alors, il y a d'autres exemples, hein, à ce niveau-là. On sait ce qui se passe aux États-Unis, aussi au Royaume-Uni, où à partir d'un certain niveau dans la pétition ou dans les signatures sur des sites adaptés, eh bien là, en effet, le législatif, voire l'exécutif, doit se saisir du sujet. Ça marche ? Ça peut marcher, effectivement, mais un cas très typique, c'est évidemment le cas de la Suisse, puisqu'une initiative populaire peut mener à une votation. On trouvera ça aussi, probablement prochainement, dans le droit wallon, puisqu'il y a un projet de consultation populaire et qui passe les fils pour l'instant législatif. Donc là, il y a effectivement des avancées. Ce qui manque là-dedans, c'est finalement une ouverture beaucoup plus universelle, d'une certaine façon, puisque les pétitions, mais aussi les propositions d'initiative populaire, elles peuvent venir des personnes qui, naturellement, ont droit à la parole, même s'ils ne sont pas des élus. Le tirage au sort permet éventuellement d'inverser cette tendance. Il y a quand même parfois des choses un peu farfelues. Moi, je crois me souvenir d'une proposition aux États-Unis pour expulser Justin Bieber vers le Canada et qui pourtant avait obtenu le nombre de signatures. Donc ça peut aussi être détourné, mais enfin, un peu d'humour dans la démocratie, ça ne fait peut-être pas de tort, surtout s'il est volontaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Éric Bérin, faire de la participation citoyenne un des développements de l'action politique du Parlement, ici c'est celui de Wallonie, mais ça pourrait être d'autres et fédéral, etc. Est-ce que ça peut aller de soi s'il n'y a pas aussi de la part des parlementaires davantage d'exemplarité? Oui, certainement, parce que ce qu'il y a aussi, c'est l'exemplarité en termes éthiques, tout d'abord, mais aussi l'exemplarité en termes de capacité à peser sur le réel. Ouais. Parce que ce qui est quand même générateur de cette distance entre le public et ses représentants, c'est que les gens ont l'impression que on vote, ça ne change rien, c'est toujours les mêmes politiques qui sont menées. On a vu avec Caterpillar que quand il y a des grosses décisions comme ça, très, très impliquantes, très dures pour une région, les politiques sont, ma foi, relativement impuissants. Oui, on en avait parlé ici. On avait dit que cette fameuse union sacrée, c'était quelque part le revers de la médaille d'une certaine impuissance. Oui, et quand on ajoute en plus, à côté, ce sentiment d'impuissance, en tout cas, des malversations, ou une espèce d'affairisme qu'on a vu rebondir à plusieurs reprises au niveau européen ces dernières semaines, où Barroso, après avoir été président de la commission, va dans une banque pas très recommandable. Quand Nelly Kroes, on se rend compte qu'après avoir été commissaire à la concurrence, est à la tête d'un fonds secret aux Bahamas. Enfin bon, je veux dire, ça, d'un côté, le sentiment d'impuissance du politique. De l'autre côté, ce constat d'affairisme à répétition, ça aussi, il va falloir trouver des réponses et il ne s'agira pas de mettre trois citoyens tirés au sort dans une commission ad hoc au Parlement. Mine Rechamp, votre avis sur cette objection, si j'ose dire? Oui, et en sachant aussi que, on critique beaucoup le côté, l'aspect élu, mais les électeurs ont certainement des reproches qu'on peut leur faire également. Lorsque le vote n'est pas obligatoire, de nombreux électeurs ne vont pas voter non plus. Il y a un grand désintérêt de la politique, malgré certains efforts du monde politique. Donc là, il faut véritablement réussir à refaire société collectivement. Et c'est vers là, peut-être, que des initiatives comme des panels citoyens pourraient contribuer. Voilà, parce que c'est une des autres initiatives qui est proposée, c'est de créer une commission du Parlement où il y aurait à la fois des parlementaires, des experts et aussi des citoyens tirés au sort. Quelle est la philosophie derrière cela? Oui. Et cette initiative n'est pas neuve. Même en Belgique, on la connaît depuis les années 2000. Et lorsqu'on regarde un peu ailleurs en Europe et dans le monde, depuis les années 70, on trouve des initiatives comme celle-là. Ce qui était particulier à l'époque, c'est souvent ça venait de l'exécutif. Et donc on a souvent trouvé des ministres à la manœuvre ou alors de la société civile. Un exemple plus récent en Belgique, c'est le G1000 par exemple. Oui. Quelle est la philosophie derrière donc, ça? Donc 1000 personnes qui ont été amenées via une série de discussions, d'échanges, de rencontres à formuler des propositions qu'ils ont élaborées ensemble. Tout à fait. Et ce que ces expériences-là montrent, c'est d'une part, les citoyens sont capables de réfléchir sur des matières complexes sans se taper dessus et d'amener des solutions qui, si elles ne sont pas originales, malgré tout, elles font sens. Mais le revers de la médaille jusqu'à présent, c'était souvent de se dire ça ne débouche en rien sur un changement législatif. Le fait qu'un Parlement intervienne, ça peut peut-être faire changer les choses. Comme Comment développer la participation citoyenne à la vie politique? Comment améliorer la communication des parlementaires? Nous en parlons avec Mine Rechamp, professeur de sciences politiques à l'UCL, Éric Bierin, expert en communication politique, et Nicolas Van Der Beest, observateur du Net. N'hésitez pas à intervenir sur Facebook, les décodeurs RTBF, ou sur Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. Les décodeurs RTBF sur la première. Alors, autre initiative que l'on a pu voir dans les JT, c'est l'installation d'un studio qui permet aux parlementaires wallons d'enregistrer des messages vidéo à poster sur les réseaux sociaux à destination du public. Alors, comment ça se passe? Bon, évidemment, il faudrait voir l'image, on vous remettra le lien vers le JT et le sujet qui a été fait. Mais enfin, bon, c'est un studio, un self-op, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer ça un peu eux-mêmes. Et puis, alors, ils peuvent choisir un fond d'écran, hein, soit le Parlement, soit le drapeau, enregistrer un message et puis poster ça sur les réseaux sociaux. Alors, vous, Nicolas Van Der Beest, qu'en pensez-vous ? Bah écoutez, sur le principe, c'est bien, c'est-à-dire qu'on vous fait de la publicité, etc. Il y a plus de dialogue avec le citoyen et autres, mais est-ce que c'est pas finalement juste un outil, un gadget qu'on va avoir avec des politiques qui vont aller une à deux fois là-bas, qui vont aller mettre ça sur les réseaux sociaux, et finalement, ça sera pas regardé du tout. Mm-hmm. C'est-à-dire, si c'est du social fooding, comme on a vu, mais au niveau politique, il y aura 8 à 125 personnes, mais c'est pas beaucoup plus. C'est-à-dire que, en gros, c'est bien les outils qu'on met en place, mais ce qu'il faut penser, c'est comment est-ce que, avec les outils, je vais arriver à faire que les gens le regardent. Si c'est simplement pour dire « voici mon nombril », ça n'a pas grand intérêt. Oui, ça, on ne leur demande pas de le montrer. Mais en termes esthétiques, on sait comment on communique quand même maintenant sur les réseaux sociaux. Le Facebook Live, dont on parlait tout à l'heure, il a l'avantage de montrer les gens en situation. Et il y a des parlementaires qui l'utilisent, d'ailleurs, ou des conseillers communaux, etc. Mais le fait d'être coincé avec un balai, je ne vais pas préciser où, mais devant un écran avec le drapeau, c'est quand même pas comme ça qu'on communique sur le web. C'est complètement à côté de la plaque, non ? Bah, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se fait par les gens, on voit que c'est de plus en plus mobile, il y a les selfies, on se balade avec un smartphone, on arrive à multiplier les champs, à multiplier les plans, on fait des coupes. Vous regardez les youtubeurs, par exemple, ils vont faire des coupes pour rendre le tout le plus dynamique. Là, vous allez avoir quelqu'un qui est en plan fixe, avec une image fixe qui, en plus, bah, à un moment, on aura fait le tour, c'est-à-dire qu'on saura toutes les images qu'il y a derrière et autres. Bah, ça ne va pas être très, très attrayant. Et donc, on va être de nouveau dans un cadre où on va avoir un chouette outil, comme les réseaux sociaux, mais dans la transformation qui va en être faite, ce ne sera pas suffisant. Mine Rechamp, alors vous n'êtes pas un spécialiste de l'image, mais quand même, s'exprimer avec un drapeau derrière soi ou l'image du Parlement, c'est instituer une distance que l'on prétend abolir quelque part quand même. Ben, on est clairement dans une relation 1.0 d'une certaine façon. Si on regarde au Canada ce qui s'est passé, non pas avec Justin Bieber mais avec Justin Trudeau, le nouveau premier ministre du Canada, dans un scénario similaire, ils étaient avec des citoyens. Et donc là on voit une différence, c'est de se dire, ce qu'on veut c'est rapprocher les élus des électeurs, et bien pourquoi ne pas les faire venir alors dans un mini-studio par exemple comme celui-là. Éric Bierin, votre avis sur la question ? Je pense qu'effectivement ici on craint un peu le gadget et au-delà de ça c'est quand même difficile de dire qu'il faut redynamiser le débat public, réanimer l'espace public, faire en sorte que le citoyen se réinvestisse et par ailleurs avoir juste une ou deux initiatives qui concernent finalement le périmètre exclusif du Parlement et de ne pas se dire que pour redynamiser le débat public il faut se mettre en connexion de manière beaucoup plus offensive et efficace avec la société civile, ne rien dire de la société civile au moment où on prétend en redynamiser le débat, je trouve que ça c'est un peu préoccupant pour la suite. Oui, ben, la suite, lave-la, parce que j'ai une question pour Nicolas Van Der Beest. À l'ère du big data, hein, on sait ce que les gens pensent, on sait de plus en plus vers quoi ils aspirent. Pourquoi s'embarrasser encore de commissions, de réunions, de faire en sorte de faire venir des gens dans des assemblées alors qu'ils n'ont peut-être pas envie, ou bien qu'ils sont en train de travailler, que ça va poser des problèmes, alors qu'on pourrait utiliser aussi le big data sur ce que l'on sait sur les attentes des gens. Je rappelle que le big data, c'est donc toutes ces données que nous laissons et qui expriment souvent involontairement nos aspirations, nos envies, nos souhaits pour la, pour l'avenir ? Ben, ce qu'il y a, c'est que d'une part, au niveau du big data, on ne peut pas tout observer. Les politiques n'ont pas les données comme Facebook ou comme Google ou comme autre. Et d'autre part, le problème du big data, c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est produit. Je prends un exemple, mais si on regarde simplement ce qui est mis sur le web francophone, du côté français, on a 35% des messages en général, quand j'observe sur un phénomène très politique et autre, qui sont postés par l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les extrêmes, les radicaux, sont beaucoup plus actifs. Ils sont passionnés, c'est les croyants, et donc forcément ils publient, ils produisent beaucoup plus que les gens normaux. Et donc si vous c'est un miroir déformant. Oui, c'est-à-dire si vous basez uniquement sur ce big data pour voir ce qu'aspirent les gens, mais vous aurez évidemment ce miroir déformant avec les extrêmes qui auront beaucoup plus d'importance que les gens lambda. Pourquoi ? Parce que c'est simple, en général vous postez quand vous n'êtes pas d'accord ou que vous aimez, mais quand vous n'avez aucun avis, vous ne dites rien. Et ça, c'est problématique, parce qu'alors là, du coup, on aurait au contraire, on se couperait des gens normaux, pour qui, justement, il y a un désintérêt de la politique, au profit de gens qui sont ultra-politisés, qui regardent toutes les émissions politiques, qui ne font que ça à longueur de journée. Donc, le big data, oui, pour certaines choses, il faut les étudier à chaque fois, dans quelle mesure et autres, mais certainement pas pour aller plus vers le citoyen et comprendre ses aspirations. Mine Rechant, est-ce que le fait d'ouvrir le Parlement aux citoyens, ce n'est justement pas aussi permettre à l'extrême droite, à des néo-nazis, d'avoir accès au débat public, alors que chez nous, avec le cordon sanitaire, ce n'est pas possible. C'est un risque possible, et c'est là où un tirage au sort véritablement universel pourrait changer les choses. C'est justement pour permettre aux personnes qui n'ont pas grand-chose à dire ou qui ne veulent pas le dire, de pouvoir le dire. Va de pair avec ça, bah évidemment, s'il y a un phénomène d'auto-sélection, ça pose problème. Et donc le tirage au sort devrait idéalement être obligatoire, puisque au-delà de donner la même chance à chaque personne d'être tirée au sort, il faudrait permettre de favoriser à ce que, quand on est tiré au sort, même si on n'a pas envie d'y aller, on y aille. Et là, dans ce cas-là, il y aura un reflet alors statistique de la population. Et si on estime qu'il y a 10% d'extrêmes dans la population, on retrouvera 10% d'extrêmes dans la population, mais aussi les 90% d'autres qui pourront alors, et c'est là l'autre élément important, délibérer. Puisque ça, c'est ce qui manque notamment, même à l'époque même des réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas souvent l'occasion d'échanger en profondeur avec des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que soi. On a une question sur Twitter de Christophe Decael qui dit « Pourquoi ne pas comptabiliser les votes blancs et nuls et tirer au sort des citoyens en proportion pour siéger au Parlement ?» Quelque part, donner une voix à ceux qui ne se sont pas exprimés dans les urnes. Ça vous semble une bonne idée ? Ça pourrait être une idée. Effectivement, on voit certaines assemblées autour du monde où, lorsqu'il y a une abstention importante, les sièges restent vides, mais une façon de les compléter pourrait effectivement être tirée au sort. Éric Bierin ? Oui, et c'est une bonne idée. Par ailleurs, moi je serais quand même très soucieux de voir le G1000 avait effectivement produit quand même du programme, du contenu. Il n'y a pas eu d'articulation réelle avec les partis, avec la représentation politique telle qu'elle est organisée par les élections. Et quelque part, je trouve que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment réenchanter cette articulation entre la société civile qui s'implique, qui s'engage sur toute une série de matières, et les représentants publics qui, encore aujourd'hui, agissent peut-être de manière un peu trop clanique, un peu trop orientés sur leur propre élection suivante, ça veut dire sur leur périmètre électoral plutôt qu'ailleurs. Et donc, c'est vraiment de cette dynamique-là qu'on a besoin, et ce serait vraiment intéressant que, à partir du moment où le Parlement essaye de réenchanter lui-même la politique en prenant des initiatives, qu'il se réinspire de choses qui existent et qui sont disponibles. Mine Rechant, votre conclusion ? Une très belle thématique pour cette question-là pourrait être les allocations familiales. On voit bien que les partis ne sont pas d'accord par rapport à ça. Ouais. Pourquoi ne pas confier à un panel tiré au sort de discuter des principes des allocations familiales en région wallonne ? Et vous croyez qu'un panel de citoyens va se mettre plus facilement d'accord que des politiques ? Le cadre est... Non, ils vont se disputer certainement, mais au final, puisqu'on va leur permettre de rencontrer des experts, des hommes et des femmes politiques, ils pourraient effectivement trouver une solution. En l'occurrence, justement, ce qui fera la crédibilité de toutes ces formules, quelles qu'elles soient, c'est que ce soit suivi des faits concrets. Parce que c'est ça, finalement, qu'on reproche à la politique, c'est qu'on parle beaucoup et puis que rien ne se passe. Oui, donc ça, c'est une légitimité possible par ce qu'on dirait les outputs, mais aussi l'input, c'est-à-dire c'est des personnes qui, généralement, ne prennent pas part aux décisions politiques. Eh bien, Éric Bierin, Mine Rechant, Nicolas Van Der Beest, merci à vous. Et n'oubliez pas que dorénavant, dès 11h30 sur la Une Télé, Sacha Daout et son équipe vous attendent pour À votre avis. Et parmi les questions qu'ils vous posent cette semaine, le street art dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Est-ce que c'est de l'art ou du vandalisme? Vous pouvez répondre en téléchargeant l'application Match Talk sur votre mobile. Vous, les Easy to Move sur les façades, oui, non, peut-être, Nicolas? Pas vraiment d'avis là-dessus, mais pour une fois, je mets mon joker. Bon, mais vous avez en effet aussi la possibilité de dire « je n'ai pas d'avis sur la question ». Il y aura un débat tout à l'heure dans l'émission. Il y aura aussi, évidemment, d'autres sujets. Merci en tout cas d'avoir suivi les décodeurs. Rediffusion à 21h sur la première et en permanence sur RTBF Ovio. C'est Jonathan Remy qui réalise cette émission. Merci à lui, à tous ceux qui ont participé. Merci à vous aussi pour vos suggestions. Les débats continuent sur notre page Facebook et sur le compte Twitter. Rendez-vous dimanche prochain pour à nouveau décoder l'actu du web, des médias et de la com. Très beau dimanche à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On relâche bien, on prend le changement de vitesse et... on passe la première, puis la deuxième et la troisième. Bien souple le poignet et un et deux et la troisième, bien! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emule Gel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicaments ou diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Promethea est la première présente l'appel à projet Access 2017. Vous contribuez à l'accès à la culture pour tous? Rentrez votre candidature avant le 16 octobre et tentez de décrocher un label Access ou le prix Boost. Plus d'infos sur access.be. AKCESS.BE. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. La première. Il est 11h. Les infos sous le soleil avec Ghislaine Kounda, bonjour. Bonjour à tous. Qu'en est-il du budget wallon? On devrait en savoir plus en fin de matinée. Paul Magnette et ses ministres sont à l'Élysée, à l'Élysette, pour en livrer les détails. Une chose est sûre, c'est un budget sans nouvelles taxes. La majorité PS-CDH a tenu sa promesse. Mais un budget sans nouvelles taxes signifie pas de nouvelles recettes, ce qui pourrait reporter le retour à l'équilibre après 2018 comme prévu. L'écrivain jordanien Naed Attar a été assassiné ce dimanche. Il a été abattu par un homme armé alors qu'il se rendait au palais de justice d'Amman, capitale de la Jordanie. Il devait assister à une audience au cours de laquelle il devait répondre de mépris pour la religion. Naed Attar est un militant connu pour son soutien au président syrien Bachar el-Assad. Il avait été arrêté pour avoir publié une caricature mettant en scène un homme barbu devant Dieu. Une insulte à Dieu et à l'islam pour les conservateurs jordaniens. Des nouvelles du chef du groupe terroriste nigérian Boko Haram, Aboubakar Shekau. « Je vais parfaitement bien », a-t-il déclaré dans une vidéo de 40 minutes qu'il a diffusée cette nuit sur les réseaux sociaux. Aboubakar Shekau dément ainsi les déclarations de l'armée nigériane qui avait annoncé l'avoir grièvement blessé le mois dernier, début août. Le groupe État islamique auquel Aboubakar Shekau avait prêté allégeance avait désigné un autre chef de Boko Haram, Abu Mozab el-Barnaoui. Cette explosion survenue à Budapest en Hongrie hier soir, dans laquelle deux policiers ont été blessés. Les enquêteurs sont sur place. Pour l'instant, on ne connaît pas la cause de l'explosion. Direction la Chine, où le plus grand télescope du monde, appelé FAST, est entré en service ce dimanche. L'engin, installé dans le sud-ouest du pays, présente un diamètre de 500 mètres et couvre une surface équivalente à 30 terrains de football. Une prouesse technique qui s'inscrit dans le cadre d'un projet faramineux dont l'ambition est, selon Pékin, de détecter une vie intelligente extraterrestre, rien que cela. On termine avec cette information pratique. Sachez que la circulation des trains entre Louvain et Aarschot en Flandre a repris, mais sur une seule des deux voies. Elle avait été interrompue ce matin vers 7h30 après un accident de personnes survenu à hauteur de Wesmal. Belle fin de matinée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour célébrer ensemble ce 26e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et plus précisément à Wavre, en l'église Saint-Antoine de Padoue qui jouxte le vicariat du Brabant-Wallon et le siège de Catobel, les médias catholiques belges francophones.